Bienvenue, c'est la Redarc du sport. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Redarc. Il est un petit peu plus tard que d'habitude, il est 20h45, on est un petit peu en retard ce soir, il y a eu quelques petits soucis. Mais on est bien là pour l'émission jusqu'à 22h30, voire un peu plus, peut-être un peu de rab hein, pour rattraper le retard. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission avec ce soir le programme que je vais vous donner tout de suite là dans quelques secondes. Avant cela, bien sûr, pour nous écouter, comme d'habitude, 96.2 FM, vous savez, sur la fréquence, voilà, à la maison, en voiture, voilà, au boulot, et bon courage si c'est le cas. Vous pouvez aussi nous écouter sur le site, hein, radio-arc-en-ciel.com, voilà, pour retrouver partout ailleurs hein, l'émission. Et puis, pour nous joindre, eh bien, deux possibilités, le Facebook, la Redarc du sport, et sinon, bien sûr, vous pouvez aussi nous appeler au standard 02 38 434-800 02 38 434-800 pour réagir avec nous en direct sur toute l'actualité du sport, du week-end, de la semaine passée. Plein de choses encore, hein. Je vais vous donner le détail de l'émission tout de suite avec évidemment du foot. On reviendra sur la journée de Ligue 1 du week-end qui a vu notamment les victoires de Paris et de Marseille. Paris, ça a été compliqué avec une victoire 2-1 seulement. Mais une victoire qui permet aux Parisiens d'être assurés d'être leader à l'issue de la trêve. Les victoires de Marseille aussi hier face à Lyon dans l'Olympico, qui était important pour Marseille. Après, on en parlera aussi, l'élimination en Ligue des Champions. Et après, une série de défaites aussi en Ligue 1. C'était important de se relancer, chose faite face à Lyon, on y reviendra. Victoire aussi pour Monaco qui poursuit sa série du côté de Toulouse. On parlera aussi de Lens qui s'impose encore une fois à Angers. Et puis petit coup d'arrêt pour Rennes, on en parlera à Lille. Voilà, puis tous les autres résultats bien sûr de cette journée en Ligue 1 tout à l'heure. La Ligue 2 aussi avec un point sur cette journée, donc la 14e, qui a vu une nouvelle fois Le Havre s'imposer et qui en profite pour prendre Anvers à la tête du classement. Et puis un mot en national pour évoquer aussi l'USO qui joue en ce moment dans ce match de la 11e journée. Pour l'instant, l'USO est toujours tenu en échec à l'extérieur du côté du Paris 13 Atletico. C'est pour l'instant 0-0. Après 83 minutes de jeu, il reste un petit peu plus de 10 minutes pour essayer d'arracher la victoire, sachant que Orléans joue à 11 contre 10 depuis au début de la seconde période. Donc il serait intéressant de s'imposer. On verra aussi les autres directs tout à l'heure. Voilà donc pour le foot, et puis bien entendu Ligue des Champions, Ligue Europa et puis Conférence League, les tirages au sort des huitièmes de finale pour la Ligue des Champions. Et puis des barrages pour la Ligue Europa qui concerne le club français. Bien sûr, on reviendra sur le Paris Saint-Germain opposé au Bayern, le gros choc de ces huitièmes pour le Paris Saint-Germain. On parlera aussi des clubs en Ligue Europa qui ont hérité de fortunes diverses. On parlera notamment de Nantes qui a hérité de la Juve, et puis aux autres clubs français également engagés dans ces barrages de Ligue Europa. Voilà le programme pour le foot. Donc beaucoup de choses à dire sur cette page foot, plein de sujets ce soir. On parlera aussi de l'équipe de France, puisque dans deux jours ce sera l'annonce de la liste des Deschamps, les 23 qui iront au Qatar pour cette Coupe du Monde qui démarre, on le rappelle, le 20 novembre. Ça y est, ça s'approche de plus en plus. Donc mercredi, l'annonce, avec une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, c'est le retour de Raphaël Varane qui sera de nouveau apte pour le Mondial. Voilà, ça c'est l'une des bonnes nouvelles aussi de la journée. Voilà donc le foot, plein de sujets à évoquer tout à l'heure en fin d'émission. On aura aussi du tennis. Hier, c'était la finale, bien sûr, du Masters 1000 de Paris-Bercy, qui a vu la victoire de Holger Rune, le jeune Norvégien qui a disposé de Novak Djokovic en finale lors d'une finale impressionnante avec de nombreux rebondissements. Et finalement, c'est le jeune Danois qui a pris l'avantage dans cette finale, qui s'est imposé pour remporter son premier Masters 1000 de sa carrière, à seulement 19 ans. Pour Djokovic, c'est une des deux seules défaites en finale à Paris-Bercy, dans un match, on y reviendra tout à l'heure, où s'est passé pas mal de choses. Autre sujet au tennis, c'est bien sûr la finale pour Caroline Garcia, en finale du Masters, les Masters de fin de saison. Elle est en finale de ces Masters. C'est une très bonne nouvelle pour le tennis français qui affrontera, ce sera cette nuit, mais pas avant 3h du matin, la Biélorusse Sabalenka pour cette finale de ces Masters. Donc cette nuit à 3h pour suivre cette finale de ces Masters pour une Française. On verra, ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas une victoire française dans les Masters. Ben, peut-être ce sera pour cette nuit, on y reviendra là aussi tout à l'heure dans la page tennis. Et pour les garçons, les Masters lui aussi arrivent bien sûr dans quelques jours. Rugby aussi, bien sûr, beaucoup de choses aussi rugby. Malheureusement, l'équipe de France féminine qui a été battue en demi-finale du mondial en Nouvelle-Zélande face justement aux Néo-Zélandaises, un petit point seulement, 25-24, défaite cruelle puisque les Bleus ont eu une balle de match, ont eu l'occasion de s'imposer, et malheureusement dans cette dernière pénalité les Bleus ont craqué et n'ont pas réussi à s'imposer. Elles joueront la troisième place face au Canada, ce sera samedi prochain, on y reviendra aussi tout à l'heure. Et puis chez les Bleus des garçons, eh bien c'était un match test match qui avait lieu face à l'Australie. Là aussi victoire au bout du bout puisque les Bleus se sont imposés en toute fin de match sur le score de 30 à 29. Voilà, face à l'Australie, belle victoire, on y reviendra. Et puis il y aura l'Afrique du Sud au programme des Bleus cette semaine, on y reviendra aussi tout à l'heure. Donc une grosse page rugby aussi. Et puis le top 14 qui se poursuivait malgré cette trêve internationale, on reviendra sur les résultats de cette journée. Du basket avec bien sûr comme d'habitude un point en NBA, ce qui s'est passé en Coupe d'Europe. On reviendra aussi sur l'OLB, une victoire importante lors de la quatrième journée à domicile, au Palais des Sports. Voilà, donc c'était important de s'imposer dans cette journée. On y reviendra tout à l'heure pour l'OLB qui fait une saison 1 sur 2. Une victoire, une défaite. Une victoire, une défaite. Voilà, c'est un petit peu Mifig Miraisin, on y reviendra tout à l'heure aussi, hein, la page basket, tout à l'heure. Du handball, chez les garçons, bien sûr, ça se poursuit, hein, pour notamment Saran, pour Gien, et puis également en Star League aussi, où ça se poursuit. Chez les filles, c'est la trêve, puisque c'est l'Euro qui a démarré ce week-end. Une première victoire pour les Bleus dans leur premier match. Il était important de bien démarrer, ça s'est bien fait face aux pays hôtes, la Macédoine du Nord, victoire assez large, on y reviendra. Et puis ce soir, en direct, eh bien, le deuxième match de poule des Bleus qui joue en ce moment même, donc face à la Roumanie. C'est le match qui a démarré il y a maintenant un peu plus de 20 minutes. Et eh bien, c'est la France qui mène désormais 10 à 7. Il y avait 8-7 et puis il y a eu un petit mieux pour les Bleus qui en profitent pour prendre 3 points d'avance, 3 buts d'avance. À l'issue de ces 20 premières minutes, et la Roumanie d'ailleurs qui a demandé un premier temps mort après cette petite série négative. Donc les Bleus mènent de 3 buts face à la Roumanie dans ce deuxième match de poule, donc de cet Euro féminin. Voilà, donc pour le hand, ce sera là aussi tout à l'heure le programme dont on parlera dans quelques minutes maintenant. Du sport mécanique également, avec, on s'en doutait un petit peu, mais pas de miracle malheureusement pour Fabio Quartararo, qui a été déchu de son titre de champion du monde de MotoGP, puisque malgré une bonne 4e place, eh bien c'est Francesco Bagnaia, lui, avec une 8e place qui lui permet d'être champion du monde dans cette saison. Donc victoire dans cette saison pour Bagnaia, et malheureusement Quartararo qui perd son titre de champion du monde. On y reviendra tout à l'heure. Formule 1 aussi, on y reviendra avec la suite, hein, évidemment, de cette, et la fin bientôt de cette saison de Formule 1. Il restera encore deux épreuves avant de clôturer cette saison. Et puis aussi également en rallye, on y reviendra. Il restera aussi une étape avant la fin de la saison. Alors, on clôturera donc ces saisons de sport mécanique. Et puis un mot des sports d'hiver, vous voyez, qui ont démarré, hein, du côté du ski alpin notamment. On attaquera les deuxièmes sessions de cette Coupe du Monde. Et puis en biathlon aussi, on rappelle qu'on démarrera à la fin du mois de novembre, eh bien, la saison de biathlon qui reprendra. Voilà les différentes actualités qu'on va évoquer tout au long de cette soirée. Les directs, j'en parlais, hein, il y en aura un certain nombre. Je vais vous faire le programme, la liste dans un instant. Donc bien entendu, en fil rouge, le championnat d'Europe féminin de hand pour l'équipe de France qui affronte la Roumanie, 10-7 dans cette première période. Il reste, je dirais, une petite dizaine de minutes maintenant, hein, puisqu'il y a eu le temps mort. Ça a repris 11-8, voilà, ça a bougé, mais il y a toujours un plus 3 pour les Bleus. Il reste un peu moins de 9 minutes dans cette première période. En Ligue 2, c'est parti, ça y est, entre Metz et Saint-Etienne. Pour l'instant 0-0 après 10 minutes de jeu. C'est le dernier match de la 14e journée de Ligue 2. Pour le moment, eh bien, Saint-Etienne est 18e, on le rappelle, à l'issue de cette journée. Et puis Metz, pour le moment, est 13e. Donc voilà, pour Saint-Etienne, l'enjeu est énorme pour essayer de grappiller des points. Autre direct qui va bientôt se finir, c'est pour l'USO qui est en déplacement au Paris Atlético. Pour l'instant ne sourit pas aux Orlanais, puisqu'il y a 0-0 toujours après il reste une poignée de secondes, et la 92e. On rappelle que l'USO évolue à 11 contre 10 depuis plus d'une mi-temps, hein, mais ça n'a pas suffi pour le moment, puisqu'il y a toujours 0-0, et on semble se diriger vers un nouveau match nul pour l'USO qui serait définitivement le champion des matchs nuls, je crois, parce que là ça commence à faire beaucoup. Ce serait le 9e match nul si on en reste là, ce qui serait un record bien entendu dans cette saison de National, mais ça n'avance pas beaucoup, hein, puisqu'il y a eu seulement 2 victoires et vous allez me dire il n'y a qu'une défaite. Oui, c'est peu, mais au vu des matchs nuls, ça n'avance pas beaucoup, et on serait toujours l'USO sera toujours dans le ventre mou, même si le podium n'est pas loin. Il est vrai qu'il n'y aurait que 4 points de retard, mais c'est vrai que c'est encore dommage de laisser des points en route dans cette saison. Donc ça, c'est fini dans quelques secondes. On aura aussi c'est fini aussi dans l'autre match de National, hein, qui était à 19h pour Villefranche, qui s'est imposé face à Nancy 2-0. Et puis à 21h, on aura, donc dans 3 minutes maintenant, le Red Star qui reçoit Dunkerque 3e Ce sera à suivre sur Canal Plus Foot, donc dans 3 minutes. Autre direct qui démarrera à 21h, ce sera le Real Madrid en déplacement au Rayo Vallecano, donc sur Bein Sport 3. Ce sera à 21h également le coup d'envoi. On rappelle, pour le moment, toujours pas de Karim Benzema dans l'attaque du Real Madrid, hein, toujours ménagé. Voilà, pas prendre de risque pour bien sûr l'international français qui sera bien sûr dans la liste de Didier Deschamps mercredi. Et puis c'est tout dans le délire direct, donc du hand, du foot avec 3 rencontres, et puis bien sûr du tennis. Je regarde, non, il n'y aura pas de match tout de suite. Il y aura bien sûr Caroline Garcia, mais ce sera en cours de la nuit. Voilà pour les directs, donc plein de choses encore ce soir, un beau programme, et puis déjà 21h, donc on va pas perdre de temps, on va marquer une première pause et on revient juste après ça pour lancer le programme. Avec bien sûr en fil rouge tous nos directs. On refait un petit point sur le SO. Est-ce que ça a bougé? Non, c'est terminé d'ailleurs, je crois. Oui, c'est terminé. Encore un match nul pour le SO, 0-0. Ça n'avance pas beaucoup pour le SO, malheureusement. 10e donc, avec 14 points. Voilà, c'est peu, hein, même si le podium n'est pas très loin. Mais encore des points laissés en route ce soir, malgré une deuxième période en supériorité numérique. Hein. Ça n'a pas suffi, malheureusement, pour l'USO. Allez, une pause et on revient juste après pour la suite et le début de cette émission, de ce programme. À 21h déjà, on va très vite attaquer avec les premiers sujets dans quelques secondes. Je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur le Facebook et puis bien sûr vous pouvez aussi nous écouter sur le site radioarc-en-ciel.com. Elton John, Dua Lipa pour ce premier son. C'est bien sûr Cold Earth, on revient juste après ça pour la première partie, 21h, à tout de suite. Retour 21h02. Si vous nous rejoignez, bien sûr, c'est la Radar du Sport sur Arc-en-Ciel. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission. Il est 21h02 donc, et on va démarrer tout de suite le programme avec... Et d'ailleurs, je vous rappelle, avant de démarrer, que vous pouvez choisir, c'est vous qui choisissez la programmation ce soir. Programmation musicale, bien sûr, comme d'habitude, donc n'hésitez pas sur le Facebook à proposer la suite du programme. Et pour les directs, alors avant de démarrer les directs, je vous rappelle qu'on suivra donc la rencontre, la deuxième période maintenant, puisque c'est bientôt la mi-temps, de l'équipe de France de hand féminin qui démarre donc son Euro depuis samedi, donc première victoire déjà samedi, puis là qui joue son deuxième match. Ça se passe très bien pour les filles puisqu'elles mènent 15 à 10 donc dans cette rencontre. Il reste maintenant 3 minutes avant la pause et ça se passe donc très très bien pour les filles qui devraient virer en tête à la pause. Ça c'est pour le premier match, le premier direct de ce soir. On aura la Ligue 2 aussi, Metz Saint-Etienne, c'est le direct Ligue 2, 14e journée, 0-0 dans le premier quart d'heure de jeu. Du foot espagnol aussi avec le Real Madrid en déplacement du côté du Rayo Vallecano, 0-0, ça vient de démarrer il y a 3 minutes. Et en national, alors il y avait tout à l'heure l'USO qui n'a pas réussi à s'imposer encore, qui n'a pas réussi à marquer non plus à l'extérieur dans le Paris Atlético, 0-0 score final. Et puis il y aura tout à l'heure le Red Star qui est même maintenant, ça y est, c'est parti, face à Dunkerque. Et c'est à suivre sur Canal Plus Foot si vous voulez suivre la rencontre pour ce dernier match de la 11e journée de nationale. Et puis tout à l'heure aussi, Villefranche s'est imposé face à Nancy dans cette rencontre aussi de 19h. Voilà les directs donc de ce soir. On démarre un petit mot de rapidement de ski où c'est parti. Normalement la saison est partie, mais a très vite été stoppé. Il y a eu une seule course chez les garçons, un slalom géant. Depuis plus rien, des descentes annulées. Et ce sera leur retour normalement en Autriche ce week-end qui devrait se dérouler dimanche en Autriche. Donc pour un slalom géant qui devrait avoir lieu dimanche pour relancer la saison. Et puis chez les femmes, ça n'a pas démarré du tout. Les trois premières courses ont été annulées. Et il n'y aura encore rien cette semaine. Reprise normalement la semaine prochaine avec deux slaloms programmés en Finlande. Mais pour l'instant, la saison a du mal à démarrer. Autre discipline hivernale qui devrait prochainement démarrer, c'est bien sûr la saison de biathlon. Pas tout de suite, hein, il y aura encore un petit mois avant cela. Début de la saison en Finlande. Ce sera fin novembre, début décembre pour nouvelle saison de biathlon. Quelques infos, donc retiens une nomination, c'est celle d'Anaïs Vescon qui était nommée entraîneur de l'équipe de France de para-biathlon, qui était triple médaillée olympique aux Jeux 2018 et qui avait pris sa retraite en fin de saison. Et bien elle est désormais entraîneur de tir de l'équipe de France de para-biathlon. Elle a été nommée cette semaine donc pour la suite de sa carrière, de post-carrière. Et puis une autre info qui concerne toujours le biathlon féminin avec Thierry Lekhoff, la Norvégienne, qu'on a beaucoup vu ces dernières saisons et notamment la dernière saison, qui a annoncé faire une pause après une période difficile pour elle. Elle va prendre une pause donc dans le biathlon, c'est ce qu'elle a annoncé. Elle a traversé des périodes difficiles, donc elle préfère prendre une pause. Elle ne sera pas au départ de la saison, bien entendu. Et quand est-ce qu'elle revient, on n'a pas encore du tout d'infos pour biathlète qui a été notamment titrée dans la saison 2020-2021. Qui ne sera pas au départ de la saison. On rappelle la saison qui démarre du 29 novembre et qui terminera le 19 mars. Ce sera sur la chaîne L'Équipe, bien sûr, toujours, qui diffuse une nouvelle fois cette saison. Voilà pour les actualités ski qui reprendront donc progressivement. Voilà pour cette première page. On poursuit avec le sport mécanique où ça se termine un petit peu partout. Le premier qui s'est terminé, c'est la MotoGP hier, où il n'y a pas eu de miracle malheureusement pour Fabio Quartararo. Donc du côté de Valence, c'est eh bien l'Italien Francesco Bagnaia qui ne s'est pas imposé, mais qui est quand même champion du monde puisqu'il termine 9e. Il était 8e hein, sur la grille de départ. Il n'y a pas eu de risque du tout pour lui sur cette course. Évidemment, il n'a pas été pas là pour ça. Une 9e place qui suffit largement à l'Italien. Quartararo, 4e au départ, termine 4e à la fin. Ça n'a pas suffi. La première des deux paramètres, c'était de s'imposer pour espérer encore conserver le titre. Ça n'a pas été fait. Voilà, même malgré tout, Bagnaia n'avait pas chuté, donc c'était trop tard pour le Français qui donc prend la 4e place. C'est Alex Rins, l'Espagnol à domicile, qui s'impose. Brad Binder, le Sud-Africain, 2e. Jorge Martin, l'autre Espagnol, 3e. Donc c'est bien Francesco Bagnaia qui est champion du monde cette année et qui a donc pris le titre du Français, qui on l'espère sera de retour très fort l'année prochaine dans cette nouvelle saison. Mais c'est bien l'Italien qui est champion du monde cette année. Voilà pour cette saison de MotoGP qui malheureusement a vu un Français décliner petit à petit hein, au fur et à mesure des courses et qui a terminé la saison dans une saison fin de saison compliquée. Formule 1, encore deux étapes avant la fin de la saison. La prochaine dimanche, on restera en Amérique du Sud avec Sao Paulo. Là, bien sûr, le circuit d'Interlagos. Ce sera dimanche. Voilà, cette épreuve. Voilà pour l'avant-dernier rendez-vous. Et puis enfin, Abu Dhabi, la semaine suivante, le 20 novembre, pour clôturer la saison où il n'y a plus de, plus d'enjeux, bien sûr. Si ce n'est la deuxième place, qui est encore en jeu entre Sergio Pérez et Charles Leclerc. Voilà, il y a 5 points d'écart, sinon. Les autres enjeux sont faits, le titre bien sûr depuis un moment pour Verstappen, le titre constructeur aussi depuis un moment pour Red Bull. Voilà, le seul enjeu c'est peut-être la deuxième place à jouer entre ces deux pilotes. Voilà pour la Formule 1. Puis une petite info Formule 1, il y avait une petite vente aux enchères, c'était samedi, concernant la Ferrari de 2003 de Michael Schumacher qui va être vendue aux enchères. Voilà, qui va être venu faire à Genève cette semaine. Voilà, donc une Ferrari, bien sûr, la Ferrari rouge de Michael Schumacher, pilotée 9 fois par Michael Schumacher, où il avait remporté notamment 5 victoires en 2003. Donc, sera mise aux enchères. Voilà, cette voiture qui pourrait rapporter presque 10 millions de dollars hein, selon les vendeurs. Voilà, donc pourquoi pas les collectionneurs donc d'art. En tout cas, mise en vente aux enchères pour les amateurs. Vendredi, ce sera donc à Genève. Voilà, avis aux amateurs. Et puis enfin, dernière aussi étape du championnat du monde des rallyes, où là aussi l'enjeu n'est plus là, hein, puisque on connaît le champion du monde, c'est Calais, Rovan Perä, bien sûr, le Finlandais. Mais encore une épreuve cette semaine, le Japon, à partir de jeudi jusqu'à dimanche, pour clôturer cette saison où l'on a vu encore Sébastien Ogier et puis Sébastien Loeb aussi qui était encore présent et qui devrait remplir la saison prochaine pour encore des piges sur quelques épreuves. En tout cas, ce sera d'ailleurs le cas pour Ogier qui sera là au Japon, hein, avec d'ailleurs un changement de copilote. Voilà, donc dans cette épreuve, dans cette dernière manche de la saison. Et puis Sébastien Loeb, on le retrouvera plutôt l'année prochaine. Autre annonce, c'est celle de Ott Tanak, champion du monde là en 2019, qui décide de quitter Hyundai, son team jusqu'à maintenant. Voilà, donc il n'a pas encore annoncé ce qu'il ferait derrière. En tout cas, une annonce pour ce pilote. Et puis voilà, on attend ce dernier rallye pour clôturer là aussi la saison de MotoGP où on va progressivement fermer toutes ces saisons mécaniques. Un petit point sur les matchs en direct que l'on suit, puis on va enchaîner juste après ça avec la suite. Ce sera d'ailleurs le handball dont on parlera. Avant cela, donc justement, le direct handball, c'est France-Roumanie, deuxième match de poule pour l'équipe de France féminine qui voudrait enchaîner avec un deuxième succès. Pour l'instant, c'est bien lancé puisque les Bleus mènent 17 à 11, plus 6 à la pause. Voilà, voilà, il y a un petit écart quand même de niveau entre les deux nations et on l'a vu, hein, plus 6 pour pour les Bleus qui ont un petit peu eu un petit peu plus de mal dans les 10 premières minutes, le temps de trouver un petit peu le rythme, et puis finalement elles ont haussé leur niveau de jeu pour prendre le large avant la pause, et logiquement, normalement, eh bien elles devraient enchaîner et dérouler dans cette deuxième période. On le verra donc dans quelques minutes pour le début de la deuxième période. Les autres directs, c'est du foot évidemment. Ligue 2, ça s'est bien lancé puisque Metz a ouvert le score face à Saint-Etienne, but 17ème minute contre son camp. Ça fait 1-0, donc on joue la 25ème. But aussi en Espagne où le Real a été surpris. Donc ouverture du score du Rayo Vallecano, 5ème minute, ça fait 1-0 au quart d'heure de jeu. Voilà, pour l'instant le Real qui est mené et qui pourrait, s'il n'y a pas de victoire, eh bien perdre sa place de leader. On rappelle, pour l'instant, c'est le Barça qui est leader avant cette rencontre. Voilà, et il faut une victoire pour reprendre la tête. On rappelle, le Real reste sur un nul. Est-ce qu'il pourrait enchaîner avec un deuxième match sans victoire? On le verra. En tout cas, pour l'instant, ils sont menés. Et puis beaucoup plus loin, il y a l'Atlético. On le verra tout à l'heure, mais il y a quand même déjà un bel écart au classement entre les deux premiers et le reste du peloton. En national, le Red Star aussi a ouvert le score, 5ème minute. Là, ça a ouvert le score partout. 1-0 face à Dunkerque. Et puis Saint-Etienne, à l'instant, qui vient d'égaliser, ça fait 1 partout. Déjà, il y a du but hein, dans cette rencontre. 1 partout entre Metz et Saint-Etienne. Voilà les directs. Donc il y a du mouvement. On va suivre ça, bien sûr, avec attention. On poursuit avec le handball. Donc, avant de parler des filles hein, qui jouent en ce moment, un petit point sur les autres championnats hein, masculins. D'abord avec la Star League où on jouait cette fois la 8ème journée avec notamment victoire pour Paris qui s'est imposé face à Chambéry. On revient aussi sur le match de Chartres qui a pris un point important face à Toulouse, match nul pour Chartres qui sort de la zone rouge, c'est important. C'est toujours Nantes qui est leader malgré une première défaite hein, la semaine passée dans la saison, mais là qui s'est imposé et repris face à Créteil. Donc leader Nantes, égalité avec Paris, Montpellier, tous à 4 points, à 14 pardon, et on a la saison Rennes ensuite qui a 12 points. Voilà pour l'instant le programme de cette saison. On reprendra bien sûr à partir de jeudi jusqu'à dimanche pour la 9ème journée de cette Lidl Star League. On poursuit un petit peu plus en Pro League avec Saran bien sûr qui va bien dans cette saison hein, qui jouait la 8ème journée vendredi avec une victoire à la clé face à Billière 33-29. Ça fait pour Saran une 3ème place, 6 victoires, 1 nul, une seule petite défaite, qui a seulement un point de retard sur Dijon deuxième et puis 2 sur Poto Combo qui est leader. Voilà, ils sont dans le coup, pour l'instant ça rend, hein. Ça se passe plutôt bien. Il faudra enchaîner déjà pour cette 9ème journée avec un match, ce sera vendredi toujours, à l'extérieur, à 20h à Frontignan. Frontignan qui est 5ème, qui est juste derrière, réalise aussi un bon début de saison, que ce sera déjà un match important dans cette saison, donc déplacement important vendredi pour Saran pour essayer de rester dans le coup, rester sur le podium à l'issue de cette 9ème journée. Et puis en National 1 pour Gien, la 3ème équipe dans le secteur, qui poursuit aussi sa belle série, son beau début de saison hein, pour l'instant on rappelle, alors il n'y a pas eu de match, il y avait une petite trêve hein, cette semaine, qui reste du coup quatrième, hein, voilà, qui a 2 points aussi de la première place, et c'est aussi un super début de saison, et qui va reprendre la compétition cette semaine, qui va recevoir samedi soir Pouzauges pour essayer de rester là aussi sur le podium, et ce sera donc face au 12ème, donc là voilà, ce sera l'adversaire idéal pour reprendre cette saison après cette petite trêve, on l'espère. En tout cas ce sera samedi soir pour essayer de continuer cette belle série et d'aller déjà chercher approcher un maintien très vite, on l'espère pour eux, donc dans ce début de saison. Voilà en tout cas pour Gien où ça va assez bien pour l'instant dans cette saison. Avant de parler des filles, un petit mot toujours pour les garçons avec la Ligue des Champions qui se poursuit aussi hein, cette première partie de saison de européenne hein, pour le Paris Saint-Germain notamment et pour Nantes. Nantes battu au Barça. Voilà, c'était logique, presque logique pour Nantes qui reste malgré tout troisième. Hein, c'est encore une très bonne position pour Nantes. Paris toujours deuxième, qui revient un petit point du leader après une victoire face à Porto cette semaine. Un tout petit point de retard sur West Brom qui est leader. Donc tout est encore possible. Hein, il reste beaucoup de matchs. Voilà, il y aura largement le temps de revenir. Pas de match pour l'instant avant 15 jours. Hein. Il n'y aura pas de match cette semaine ni la semaine prochaine. Petite trêve pour tout le monde dans cette saison de Ligue des Champions. On va faire une petite pause. Et puis la semaine prochaine, ce sera le début de la Ligue des Champions, de la Coupe de France pour les clubs de première division qui n'ont pas joué encore. Voilà, on va rentrer. Pour certains, on va attaquer là. Beaucoup de qualifiés pour le 16e pour les clubs de l'élite, hein, pour Paris notamment, Chambéry, Montpellier, tout le monde est présent, Nantes, hein, quasiment tout le monde est à Chartres. Saran, c'est déjà fini, hein, qui avait été battu en 16e de finale, donc on ne les retrouvera pas malheureusement en 8e. Donc les 8e, mardi et mercredi prochain, pour savoir qui sera qualifié pour les 8 meilleurs. Donc ce sera à partir de mardi. Voilà donc pour le handball masculin et pour le handball féminin, c'est bien sûr l'Euro qui a démarré avec le groupe de l'équipe de France qui jouait face aux pays hôtes, la Macédoine du Nord, l'un des pays hôtes, hein, lors de la première rencontre. Victoire tranquille pour les Bleus, 24-14, voilà, qui a bien lancé son Euro. L'autre match, c'était les Pays-Bas qui affrontaient la Roumanie. Ça a été serré puisque le Pays-Bas s'impose seulement d'un petit point, 29-28, un petit but. Je rappelle les Pays-Bas qui probablement sera l'adversaire le plus difficile pour les Bleus. Voilà, en tout cas, on voit que ça n'a pas été si simple que ça pour elles. Affronter la Roumanie. Et puis les Bleus, on rappelle, qui ont démarré tout à l'heure leur rencontre. Et qui pour l'instant se passe très bien puisqu'il mène de 6 points, 17-11, pour cette deuxième journée. Et puis un petit peu plus tôt, les Pays-Bas aussi jouaient face à la Macédoine du Nord, son deuxième match, victoire tranquille aussi pour elle, 30-15. Voilà, donc il faut gagner pour rester au contact des Pays-Bas et puis bah du coup jouer une finale hein, puisque a priori les Bleus on devrait s'en sortir ce soir. Et si ça se passe pour elle, il y aura 4 points pour les deux. Il y aura une finale du groupe face aux Pays-Bas. Ce sera mercredi soir pour aller chercher la première place. Bon, dans tous les cas, il y aura une qualification. Mais c'est vrai qu'une première place, elle est importante. Surtout pour la suite, puisqu'il y aura, on rappelle, le deuxième tour. On va regrouper les 4 groupes en 2 groupes. Et on va conserver les points glanés face aux adversaires qui sont qualifiés pour le deuxième tour. Pour faire simple, si la France bat les Pays-Bas lors de la dernière rencontre, il y aura 6 points. On va enlever les 2 points de gagner face à l'équipe qui sera éliminée, donc peut-être la Roumanie ou la Macédoine du Nord. Donc la France irait au tour 2 avec 4 points, ce qui serait important. Et en cas de défaite, les Bleus iraient au deuxième tour avec 2 points seulement. Voilà pourquoi il est important de finir en tête et donc de gagner face aux Pays-Bas. Et donc le deuxième tour, voilà, se regroupe finalement les 3 premiers de chaque groupe. Donc on va réunir 6 équipes dans chaque groupe et ensuite on va sortir les 2 meilleurs de ce deuxième tour pour aller chercher les demi-finales. Voilà, il n'y a que 2 places ensuite pour aller en phase finale avec les demi-finales, donc ça laisse peu de places. Voilà pourquoi il est important de prendre ces points là dès maintenant pour arriver avec le plein de points au deuxième tour. Et là il y aura forcément du lourd parce que ça va croiser avec le groupe D, c'est-à-dire que la France pourrait retrouver une équipe comme l'Allemagne, comme l'Espagne, ou comme la Pologne par exemple, voilà, dans le deuxième tour. Voilà, et c'est pour ça qu'il faudra arriver avec ces peut-être ces 4 points. Donc il faudra gagner déjà ce soir évidemment, mais aussi face aux Pays-Bas mercredi. Voilà donc le programme de ce qui attend les Bleus pour cette suite d'Euro. Donc mercredi l'autre rencontre et puis a priori il y aura une place au deuxième tour pour elle, une qualification où ensuite il faudrait jouer 4 rencontres. Il y aura 4 matchs, si je dis pas de bêtises, il y aura peut-être trois matchs, puisqu'il y aura il y aura bien trois matchs. Il y a trois adversaires qui vont arriver, donc trois matchs qui se joueront à partir de vendredi et qui se déroulera jusqu'à mercredi pour ce deuxième tour. Et puis ensuite, il y aura les demi-finales, finales qui vont s'enchaîner dans la foulée. Voilà le programme pour les Bleus, en espérant qu'elles seront au rendez-vous. Voilà de ces demi-finales, et puis la finale le 20, hein, ça va arriver vite. Hein. Bon, la finale se joue le même jour que le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Hein. Voilà, le calendrier est serré, évidemment, puisque habituellement ce championnat d'Europe a lieu pour les filles en mois de décembre, mais évidemment il a fallu décaler pour essayer d'avoir un maximum de visibilité. Les directs, ça n'a pas bougé pour l'instant. 1-1 Metz Saint-Etienne, 1-0 pour le Rayo Vallecano face au Real Madrid, c'est la première surprise pour l'instant. Il reste à Dunkerque 1-1, ça a bougé aussi, égalisation de Dunkerque. Il y a des buts ce soir pour l'instant pour lancer ses directs. Et puis en hand, ça va reprendre probablement, ça y est, la Roumanie qui a donné le coup d'envoi de sa deuxième période. Un changement de gardien, le gardien de côté équipe de France, c'est Florian André qui a remplacé Cléopâtre Darleux. On rappelle que c'est Cléopâtre Darleux, pardon, qui est leader de cette cage française désormais. Voilà pour les directs. On poursuit avant, on remarquera une pause dans quelques minutes. Mais avant cela, après avoir parlé de handball, un petit mot de basket. Et puis ensuite, on marquera une pause avant, bien sûr, d'enchaîner avec le rugby et le tennis. Il y a encore plein de sujets. Et il est déjà presque 21h30, ça va très très vite ce soir, une nouvelle fois. On parle un petit mot de NBA. NBA, ça se poursuit, bien sûr. Il y avait trois rencontres la nuit dernière seulement. Nouvelle défaite des Clippers, battue face à Utah Jazz à domicile. Pour les Clippers qui pour l'instant sont, on le verra au classement, mais sont assez loin dans ce début de saison. Voilà, il y a pas mal d'équipes, c'est surprenant pour l'instant de les retrouver là. On a victoire de Toronto face à Chicago, ou enfin celle de Memphis face à Washington. À l'ouest, c'est Memphis qui mène ce classement. On retrouve Utah Jazz et Memphis ensuite. Je disais les Clippers seulement 10e, hein. Pour l'instant, le bilan est assez équilibré. 5 victoires et 5 défaites. C'est pas un gros début de saison. Les Warriors seulement 13e. Et les Lakers 14e. Voilà, c'est surprenant pour l'instant de voir ça. Et puis à l'Est, seule équipe invaincue dans les deux conférences, c'est Milwaukee. À 100%. 9 sur 9. Cleveland se rapproche aussi de la perfection avec 8 sur 9. Deuxième donc. Atlanta, Boston suit derrière, les Bulls 6e de ce classement, donc dominé par Milwaukee. Cette nuit, on retrouve comme d'habitude lundi soir quasiment 15 rencontres, hein, quasiment tout le monde va jouer, hein, ou si ce n'est tout le monde d'ailleurs. Donc, toutes les rencontres cette nuit entre 1h et 4h du matin, pour vous faire la liste, mais il y a tous les matchs qui se jouent dans la nuit. Je crois que tout le monde joue, hein, cette fois-ci. Il y a quelques rencontres que vous pouvez suivre sur Beansport, hein. Notamment Philadelphie Phoenix sur Beansport à 2h, ou encore Memphis Boston. Il y aura deux rencontres finalement, mais sinon tout le monde va jouer tout au long de cette nuit donc de NBA. On revient en France et en Europe déjà avec la suite des championnats, enfin des coupes d'Europe. On retrouve toujours bien sûr notre club français en Euroleague, hein, cette année l'ASVEL. Nouvelle victoire à Bologne pour l'ASVEL, pour Lyon, qui pour l'instant réalise un parcours équilibré, hein, 3 victoires à 3 défaites, ce qui est à la moitié du classement pour l'instant dans cette Euroleague, donc ça va plutôt pas mal pour eux. En Ligue des Champions, avant de parler de Ligue des Champions, l'Eurocoupe déjà, où on retrouve deux clubs, hein, Bourg-en-Bresse, qui est leader de son classement avec 4 victoires en 4 matchs, c'est un sans faute pour l'instant pour Bourg-en-Bresse. Pour Paris, c'est beaucoup moins bien, 2 victoires et 2 défaites, 7e pour l'instant donc dans ce groupe d'Eurocoupe, pardon. Et enfin la Ligue des Champions, on y vient avec là aussi nos trois clubs engagés. Strasbourg co-leader de son groupe. Limoges, bah, qui a malheureusement tout perdu. Ça se passe pas bien pour l'instant. Et puis Dijon aussi, qui est deuxième. Donc, ça se passe bien pour eux. Il reste pour tout le monde trois rencontres avant la fin de cette première phase de groupe, donc en Ligue des Champions. Et puis pour nos clubs engagés en Euroleague chez les femmes, eh bien Bourges est leader pour ce début de saison. Et en revanche, l'autre club, Basketland, est dernier. Hein, deux défaites en deux matchs. C'est l'inverse qui se produit. Mais la saison est longue. Il reste encore des matchs jusqu'au mois de mars. Voilà, tout peut s'inverser. Ce début de saison n'est pas idéal pour elles, mais elles peuvent très vite, évidemment, s'inverser. Car les Bleus aussi, pour l'équipe de France masculine qui va démarrer ses qualifications mondiales 2023, qui est réunie depuis aujourd'hui à Nanterre, qui a lancé donc la préparation de ses deux matchs de qualification pour le mondial 2023. Il y aura vendredi face à la Lituanie et autre match lundi face à la Bosnie. Voilà, avec notamment un groupe rajeuni, hein, avec pas mal de nouveaux, de petits jeunes qui arrivent pour essayer de revenir sur une équipe un petit peu plus rajeunie. Et donc les Bleus, on rappelle qu'ils ont été battus face à l'Espagne en finale de l'Euro dernier. À Berlin, et bien qui va se relancer maintenant avec ses qualifs au mondial. Donc Nanterre, qui sont Nanterre depuis aujourd'hui, et voilà, André Albici sera le seul qui était présent à l'Eurobasket, puisque Terry Tarpey notamment blessé, voilà, et puis beaucoup de joueurs d'Euroleague qui sont indisponibles. Évidemment, ils jouent l'Euroleague en semaine, donc ils peuvent pas évidemment être pris en équipe de France. C'est le cas pour Nuno De Colo, Yabusele, Poirier, Mustapha Fall, Mbaye, voilà. Et puis les autres joueurs de NBA, qui ne peuvent pas être là non plus. Van Fournier, Rudy Gobert, voilà, c'est des joueurs qui sont pas là non plus. Donc Vincent Collet, qui a convoqué 5 nouveaux, hein, qui avaient pas encore de sélection. Voilà, ce sera important aussi de les voir. Donc vendredi 18h30, puis Bosnie. Et puis enfin lundi, il y aura cette rencontre face à la Bosnie lundi prochain. Voilà, donc de nouveaux qui vont arriver. Pour l'instant, les Bleus dans ce groupe de qualification au mondial est deuxième à un point de la Lituanie qui est leader. Voilà, 6 victoires et 2 défaites pour les Bleus. Il reste encore beaucoup de matchs. Hein. Après ces deux matchs-là, il y aura encore deux nouvelles rencontres mois de février pour clôturer ces qualifs. Voilà, mais en tous les cas, ils sont quand même plutôt bien. Mais une victoire vendredi ou lundi pourrait suffire aux Bleus, hein, pour se qualifier pour le mondial qui aura lieu donc l'année prochaine aux Philippines, voilà, en Indonésie et au Japon. Voilà, les trois organisateurs de cette prochaine Coupe du Monde. Ce sera peut-être dès lundi ou dès vendredi pour se qualifier. Et il y aura 4 habitués qui vont revenir aussi. Axel Toupane, Nicolas Long, Alexandre Chazang et Paul Lacombe qui seront là aussi pour épauler les petits nouveaux cette fenêtre internationale. Voilà pour les Bleus, le programme qui les attend cette semaine. Mais revenons donc au basket avec basket français en Pro B d'abord avec l'OLB qui on le disait fait 1-2. Il y a eu une première défaite et une première victoire, et il y a eu ensuite une deuxième défaite et une deuxième victoire. La dernière donc c'était samedi au Palais des Sports face à Nantes, 80-77 la victoire, qui permet à Orléans d'être la moitié du tableau, hein, finalement 7e. Mais si on regarde le 14e, il y a aussi 2 sur 4, pardon, donc c'est le bilan, il est équilibré pour toutes ces équipes là. Donc il va falloir essayer de passer dans le haut du tableau. Personne n'est invaincu, hein, pour l'instant toutes les autres équipes ont moins une défaite, donc finalement tout le monde est assez proche en termes de classement. 5e journée pour essayer d'enchaîner à Angers pour Orléans, pour essayer d'aller chercher un deuxième succès consécutif face à Angers, qui est l'une des 5 équipes qui a 3 sur 4, donc qui est leader. Donc voilà, il faudra essayer d'aller chercher et d'enchaîner cette victoire pour Orléans. Et ce sera donc cette rencontre, pas cette semaine, puisqu'il n'y aura pas de rencontre, ce sera la semaine prochaine, le vendredi 18, hein, pour essayer d'aller chercher cette deuxième victoire. On espère pour elle. Voilà, puisqu'il y aura, pas de match. On a, en tout cas, en Pro B, on a décidé de couper le championnat pendant cette trêve internationale. Hein, c'est pas le cas en Euroleague ni en ni en NBA. Mais c'est vrai qu'en France, on a décidé de couper le championnat de Pro A et de Pro B pour cette trêve, et donc en Pro A, en Vatlik Elite, eh bien, pour le moment, c'est Monaco qui est toujours l'invaincu, un 7 sur 7, c'est un qui est invaincu, qui est vraiment au top. Et premier, Boulogne, Cholet, Le Mans suivent derrière dans cette saison. Donc deux Vatlik n'ont pas de match pour cette semaine, retour la semaine suivante, et puis la semaine prochaine, il y aura aussi, en même temps que le retour des championnats, les 16e du final de Coupe de France déjà. On va attaquer voilà cette 16e de finale Orléans, pardon, on rappelle qu'il n'y est plus, hein, après une défaite qui est arrivée très tôt dans les 32e de finale face à Nanterre, donc il ne sera pas au rendez-vous de ces 16e de finale. Donc il y aura un match mardi 15 et puis ensuite ce sera le 23 les autres rencontres pour ces 16e. Donc coupure pour nos deux championnats français, pour les matchs de l'équipe de France, et ensuite ça reviendra pour tous ces matchs la semaine suivante. Mais en ce qui concerne les coupes d'Europe et la NBA, eh bien on joue quand même cette semaine, on va pas faire de pause et on jouera encore toute la semaine les directs, et on remarquera une petite pause avant d'attaquer la deuxième partie avec au programme donc du rugby où il y a pas mal de choses à dire également, et du tennis aussi, belle actualité, et puis du foot bien sûr. On parle des Françaises d'abord. Hand féminin Euro, deuxième rencontre. Ça va très bien pour les Bleus qui mènent 23 à 15. Voilà, tranquille pour les filles qui sont à plus 8 désormais, qui ont même eu jusqu'à plus 9. Donc tout va bien pour les Bleus qui devraient se promener dans cette fin de rencontre. On l'espère. Du coup, pour les autres rencontres de ces directs, Metz mène 2-1 désormais face à Saint-Etienne, qui a marqué un deuxième but. C'est la pause dans quelques secondes. En Espagne, le Real est toujours mené 1-0 sur la pelouse du Rayo Vallecano. On joue la demi-heure de jeu. En national aussi, demi-heure de jeu 1-1 entre le Red Star et Dunkerque. Voilà les rencontres de donc ce soir qui sont en direct. On marque une pause et on revient juste après pour la deuxième partie, hein, avec tout le programme que je viens de vous donner. Donc du rugby, Coupe du Monde féminine et puis également bien sûr le rugby masculin avec cette belle rencontre, cette belle victoire face à l'Australie. C'est Purple Disco Machine tout de suite, Devil in My. On revient juste après pour la suite. 21h30. And my daddy told me you're the girl that I need, but all you do is bring me down to my knees. I'm a good man, but you make me bad. You make me bad. Oh baby, I'm a good man, but you make me bad. You make me bad. You make me bad. You bring out the devil. Girl, your loving has got me crazy. devil in me. Girl, your loving has got me crazy. Bring out the devil in me. Bring out the devil in me. I sold my soul to be with you, baby. Bring out the devil in me. Girl, your loving has got me crazy. Bring out the devil in me. I sold my soul to be with you, baby. You, baby. You, baby. Purple Disco Machine avec Devil in My à l'instant pour ce deuxième titre de la soirée. Retour, et d'ailleurs on nous propose pour la prochaine, pour la suite, on propose Jamiroquai, un petit souvenir de Jamiroquai, ce sera tout à l'heure, hein, la prochaine pause. Mais tout de suite, eh bien, revenons sur la deuxième partie avec plein de choses, hein, du coup, à revenir. Donc les directs où c'est tiens le Real qui a égalisé à l'instant, c'est des Luka Modric qui a égalisé pour le Real, donc ça fait un partout, ça va mieux pour le Real, voilà, qui vient d'égaliser donc pour un penalty, ouais, arbitrage vidéo, ouais, qui a été l'arbitre qui a été contacté par le VAR et qui a décidé donc d'accorder un penalty pour Real, voilà, qui a une faute dans la surface, et donc c'est Luka Modric qui a égalisé pour le Real, donc un partout entre le Rayo Vallecano et le Real. Le Metz mène sur 2-1 face à Saint-Etienne, et Red Star Dunkerque toujours un partout. Pour le hand féminin, eh bien, plus 10, plus 9 maintenant. En tout cas, ça va toujours bien pour les filles. 26-17 désormais. Voilà, donc tout va bien. Pour les bleus, il reste un petit quart d'heure. Voilà, ça va tranquillement dérouler pour les filles. Mais tout de suite, le rugby avec deux actualités. D'abord, la Coupe du monde féminine qui rentre dans cette dernière semaine, malheureusement. Les filles, alors, seront dans cette dernière semaine, mais pas dans la finale, malheureusement. Battues par la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Vous l'avez peut-être vécu au début de matinée, c'était samedi passé. Défaite 25-24 pour les Françaises face à la Nouvelle-Zélande à domicile, les Nouvelle-Zélandaises. La déception est pour les Bleus, terrible désillusion, qui ont échoué d'un point, mais surtout qui avaient, le match. En tout cas, l'occasion pour s'imposer dans la dernière minute de jeu. Pénalité pour l'ouvreuse française Caroline Drouin à 35 mètres des poteaux, malheureusement qui a raté un petit peu son tir et qui n'a pas réussi à transformer cette pénalité. Et petite courte défaite, mais défaite pour elle. Elle qui avait marqué 3 essais, hein, tout au long de cette rencontre, qui ont tenu le match, mais malheureusement qui ont échoué dans cette quête du titre mondial, et malheureusement il faudra aller chercher une troisième place décevante presque après la rencontre qu'elles ont donnée, et ce sera l'Angleterre qui jouera cette finale face à la Nouvelle-Zélande, qui sera aussi favorite, hein, les deux favorites finalement en finale, hein. Ce sera samedi à 7h30. Les Bleus se contenteront peut-être du bronze, on l'espère, face au Canada qui a été battu par l'Angleterre dans l'autre demi-finale. Ce sera samedi, mais à 4h30. Voilà, il faudra être très très très matinal pour suivre cette petite finale des Bleus. Voilà, c'est une déception, hein, pour les filles qui visaient évidemment la finale et le titre mondial pour une première victoire en Coupe du Monde. Malheureusement, ce sera encore l'une des deux habituées, l'Angleterre ou la Nouvelle-Zélande, qui devra récupérer ce titre. Et grosse déception pour les Bleus qui vont retravailler pour la suite, pour l'avenir, mais en tout cas c'est une grosse désillusion pour les filles, tant le match a été mené par les Françaises et qui ont échoué vraiment dans la toute fin de match. L'autre équipe de France masculine qui était donc aux affaires lors de ces tests d'automne, les fameux tests d'automne qui avaient lieu donc ce week-end. Victoire, belle victoire face à l'Australie, face aux Wallabies. C'était une belle affiche. Et bien victoire française 30 à 29. Ça, là, c'est dans l'autre sens. C'est les Bleus qui sont imposés d'un petit point. La faute à Damien Penon, pardon, en fin de match, qui a donné la victoire clairement aux Français. Dans une dernière action énorme, Damien Penon qui a effacé d'abord l'un des joueurs d'un crochet et s'imposer dans l'embute pour remporter cet essai. Et puis pas de transformation, mais ça suffit pour les Bleus qui s'imposent 30 à 29. Belle victoire de prestige face aux Australiens. Et qui remporte une nouvelle victoire. C'est une nouvelle série qui se poursuit pour les Bleus avec un record à la clé et qui tentera encore une fois d'accroître ce record en recevant samedi l'Afrique du Sud. Là aussi, c'est une sacrée affiche face aux champions du monde, tout simplement. Samedi à 21h pour cette deuxième rencontre. Et puis, il y aura encore un match ensuite face au Japon le dimanche 20. Mais déjà, l'Afrique du Sud, c'est le deuxième gros test pour les Bleus. Il y avait quelques d'autres rencontres dans ce week-end de match, notamment la victoire néo-zélandaise en Pays de Galles 55 à 23. On avait également la victoire de l'Irlande qui a battu l'Afrique du Sud, aussi belle sensation pour l'Irlande, victoire 19 à 16. On avait également victoire d'Italie face au Samoa, l'Écosse qui a battu les Fidji, voilà, dans les quelques matchs qui avaient lieu. Et puis la semaine précédente, la Nouvelle-Zélande et l'Australie aussi s'étaient imposés dans ces deux rencontres qu'il y avait. L'Argentine aussi, c'était hier, a battu l'Angleterre. Ça, c'est une belle sensation aussi. 30 à 29. Bel exploit des Argentins. À l'extérieur en plus, c'est la première fois depuis 2006 que l'Argentine s'impose en Angleterre. Voilà, une équipe d'Angleterre qui a beaucoup régressé ces dernières années. Hein. Et qui a été battu une nouvelle fois à domicile. Et puis samedi, pas mal de matchs encore. Angleterre-Japon, Pays de Galles-Argentine, Italie-Australie, Irlande-Fidji. Tout le monde va se jouer ce samedi. Et puis dimanche, Écosse-Nouvelle-Zélande. Voilà. Puis enfin, je le disais, une dernière série de test matchs avec un Angleterre-Nouvelle-Zélande, notamment le 19 novembre. Et puis la France recevra le Japon, là aussi dimanche. 20 novembre. Voilà pour les rencontres que l'on suivra jusqu'à la fin de ce test match. Bien sûr, en parallèle, le top 14. Alors, bien sûr, comme c'est une évidence, mais oui, avec le rugby, c'est une évidence. Le top 14 joue quand même, malgré ses trêves. Enfin, c'est pas tout à fait une trêve du coup, mais ses matchs internationaux. Avec une dixième journée qui s'est joué ce week-end. Ça s'est terminé avec notamment la victoire de Montpellier hier, qui a battu Toulon à l'extérieur. Le leader Toulouse qui recevait le Stade français, pas de victoire mais pas de défaite, 16 partout le score final. Ça permet à Toulouse de rester leader devant La Rochelle qui a été s'imposé à Brive. Donc toujours 9 points d'avance pour Toulouse, bien leader. Hein. La Rochelle deuxième donc, le Racing 26 points aussi, Stade français également 26 points, Lyon, Bayonne 25 points, ça se joue ça se tient un peu de points. Puis en bas, Pau 19 points, mais surtout Perpignan et Brive 14 et 13 points. C'est compliqué pour ces deux clubs là qui sont assez loin déjà au classement. 11e journée, pas ce week-end. Là, il y a une petite pause quand même. Heureusement, on va pas jouer ce week-end. On reprendra non plus la semaine prochaine, mais on reprendra le 26 novembre. Voilà. Donc, ces deux derniers matchs de l'équipe de France. Il y aura pas d'internationaux manquants, en tout cas avec les clubs, puisqu'il y aura pas de match. C'est déjà une bonne nouvelle. On va stopper les saisons pour clôturer ces tests matchs. Là, c'est plutôt intelligent, même s'il y a quand même eu des matchs ce week-end. Bon, on a décidé de clôturer. Ça, c'est une bonne chose pour ces deux derniers matchs. Voilà pour le rugby. Donc, une déception, malheureusement, pour les Français. Ça s'est joué à peu de choses. Mais elles joueront le bronze à 3e place samedi. Et puis, tout va bien pour l'équipe de France masculine qui enchaîne et on espère enchaîner encore une fois samedi face aux champions du monde sud-africains. Le tennis dans un instant, mais avant cela, les directs qui se poursuivent. L'équipe de France, est-ce que ça va toujours aussi bien Oui, puisqu'il y a toujours plus 10, voilà, on reste à ces plus 10. Voilà, tout va bien. Plus 10, il y avait plus, voilà, ça a aussi entre. Il y a eu plus. Il y a eu plus 8. Il y a eu plus 9, il y a de nouveau plus 10. On a rétabli un plus 10 pour les Bleus. Temps mort à nouveau demandé par la Roumanie. Mais là, il n'y a plus de match. Hein. On change la gardienne à nouveau. Un troisième gardienne, d'ailleurs. On essaie tout du côté de la Roumanie. Mais il reste plus qu'une minute, 10 minutes, 10 points d'avance. Voilà, c'est quasiment plié pour les Françaises. Du tennis, donc, je le disais, avec. Du côté des garçons d'abord, une super finale hier et un super tournoi d'ailleurs tout au long de ce Rolex Paris Masters dans le Paris-Bercy. Gros tournoi et grosse victoire hier de Holger Rune, le jeune Norvégien de 19 ans qui a fait sensation hier en battant, alors pas le numéro 1 mondial puisque c'est plus lui pour l'instant, Novak Djokovic, mais en tout cas bien le des meilleurs de la saison encore, et vainqueur 6 fois sur 7 avant cette finale, 6 sur 7, 6 victoires sur 7 finales à Paris-Bercy, et il a été battu cette fois par Holger Rune, le Norvégien, qui a crânement joué sa chance malgré un premier set vite plié pour le Serbe, 6-3 en une demi-heure. Derrière, c'est Rune qui s'est imposé 6-3 dans la deuxième manche, il n'a pas laissé passer sa chance, et puis dans cette dernière manche, eh bien, il a bien servi le Norvégien, et il a bien laissé aussi du temps pour s'accrocher jusqu'à 5-5 pour prendre le break, pour prendre le service adverse cette fois-ci. Avec pas mal d'erreurs hein, pour le Serbe inhabituel, hein, mais qui a fait le break au bon moment, hein, le Norvégien. Et puis enfin, il a servi pour le match. Ça a été très long. Un dernier jeu, je crois, de presque 20 minutes. Puisqu'il y a eu 6 balles de break, 6 balles de débreak pour le Serbe, mais à chaque fois il en a fallu du sang-froid pour les sortir, pour les sauver. Mais il a été très fort, très très fort le Danois pour sauver ses balles. Il a eu 2 balles de match, la première avec un peu de pression, une double faute, puis derrière la dernière. Il a bien tenu l'échange, et puis une dernière faute directe dans le filet sur un amorti raté de Novak Djokovic. Et ça fait. Une victoire qui est une super victoire pour le Norvégien, première victoire évidemment en Masters 1000 pour lui, et puis pour le Serbe, bon, c'est une petite défaite dans cette saison, mais évidemment il est quand même l'un des plus grands vainqueurs dans la saison, hein, malgré cette défaite, deuxième défaite en finale dans ce tournoi, mais on a affaire à un grand Holger Rune, seulement 19 ans. Et premier titre Masters 1000, il ne va pas s'arrêter là bien sûr. Et au classement, ça bouge du coup après cette victoire. On rappelle Rune qui était au-delà de la 100e place en début de saison. Et bien ce lundi, simplement, il est 10e. Enfin, il a intégré le top 100, il a repris 8 places encore grâce à cette victoire. En haut, pas de mouvement, Alcaraz, Nadal, Tsitsipas avec une demi-finale, revient 3e. On rappelle demi-finale perdue face à Djokovic dans le tie-break du troisième, ça a été aussi très serré. Hein. Il y a eu des occasions pour le grec, mais encore un grand Djokovic. Faut aussi parler de Jaliasim, demi-finaliste. Hein. Là aussi, qui a été battu par Rune en deux manches, mais un grand Jaliasim aussi tout au long de ce tournoi. Aussi par exemple d'Alcaraz, numéro 1 mondial, qui a dû abandonner après presque 2-7 face à Rune. Voilà, là aussi, il va perdre peut-être gros, on le verra après. Gilles Simon, parlons-en, qui a tiré sa révérence à Paris-Bercy sur une dernière défaite face à Ogier Aliassime, mais il nous a fait rêver encore une fois avant sa retraite, puisqu'il a battu Taylor Fritz notamment au tour d'avant, ou encore Andy Murray au premier tour. Là, il a été héroïque jusqu'au bout, mais ça y est, c'est terminé pour lui. Gilles Simon, une belle cérémonie bien sûr pour lui dans cette dernière rencontre pour Gilles Simon. Puis Corentin Moutet aussi qui a atteint les huitièmes de finale, battu Tsitsipas par plus fort que lui évidemment dans ce tournoi, donc parisien. Donc on le disait, troisième place pour Tsitsipas, Rude reste quatrième, Casper Rude. Medvedev perd de place, donc cinquième, Ogier Aliassime sixième, Rublev septième, Novak Djokovic une place de perdu malgré cette finale. Lui, il avait été vainqueur l'an dernier, donc il perd des points 8e, Taylor Fritz 9e et Rouneux donc 10e qui intègre le top 100. C'est Zverev qui perd beaucoup de places, 12e puisqu'il perd 6 places. Le premier français, eh bien, il est 44e, pardon. Arthur Hinderneck, 44e place. Donc le premier français, Manarino est deuxième, 48, Moutet 51, Monfils 52, qui continue de gringoler, hein. Et bien sûr, il joue pas, il dégringole assez logiquement. Et il y a quand même pas mal de français, hein, dans ce top 100, hein, puisqu'on a également Benjamin Bonzi, Quentin Alice, Quentin Lestienne, Richard Gasquet toujours là, Hugo Humbert, Grégoire Barreur, voilà, beaucoup de français dans ce top 100. Son premier français. Pour la suite et la fin de la saison, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? C'est du repos. Alors il y a quelques tournois challenger, mais pas de gros tournois à mettre en avant. On aura bien sûr le Milan Next Gen, hein, le Masters des nouveaux de la nouvelle génération. Ce sera cette semaine. Voilà, donc ce sera. D'abord le Masters des petits nouveaux. Alors dans ce Milan Next Gen, on va retrouver des joueurs qu'on connaît moins forcément, puisque sont des joueurs qu'on connaît pas encore beaucoup, hormis Lorenzo Musetti, notamment l'Italien, mais sinon c'est vrai que les autres joueurs sont un petit peu moins connus. Alors on peut noter donc Holger Rune quand même, oui bien sûr, il y sera, hein, à 19 ans. Voilà, il sera présent dans ce Masters de la nouvelle génération. Lorenzo Musetti, voilà, qui fait aussi sensation cette saison. Jack Trapper, notamment, qu'on a vu cette semaine aussi. Ensuite des joueurs un petit peu moins connus, Nakashima américain. On aura Dominic Stricker, le Suisse. Ouais, c'était des joueurs un petit peu moins connus qui sont présents dans ce Masters nouvelle génération. Donc pour cette semaine. Et puis la semaine suivante, à partir du 13, bien sûr, les Masters de Turin, où on sera là avec les grands de cette saison, les 8 meilleurs de la saison, que l'on retrouvera donc tout au long de ces Masters. On trouvera les 8 meilleurs de la saison. On a déjà donné un petit peu la liste, hein, de ceux qui sont présents. Puis Rune, lui, sera remplaçant, hein, premier remplaçant, et il espère évidemment être sur le court, hein, mais il sera remplaçant du côté de Turin pour essayer de jouer. On le verra, s'il y a des blessés, il sera l'un des remplaçants de cette saison. Puis Carlos Alcaraz, lui, qui sera forfait évidemment après son abandon Paris Bercy, il va perdre beaucoup parce qu'il jouera pas le Masters et il jouera pas la Coupe Davis non plus. Donc malheureusement c'est une grosse perte pour lui. Roublev et Auger Alassine donc sont aussi qualifiés, hein. Donc Carlos Alcaraz, donc il n'y sera pas malheureusement, mais il y aura Rafael Nadal, a priori, même si il a fait qu'un tour à Paris-Bercy, il sera présent en tout cas pour essayer de défendre ses chances, même si ça semble compliqué pour lui. Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Félix Auger-Aliassime, Andrei Rublev, Novak Djokovic, qui lui est qualifié. Non pas parce qu'il est dans les 8 meilleurs de la saison, mais parce qu'il a en vertu de son titre à Wimbledon. Voilà pourquoi il est qualifié pour ses Masters. Hein. On est un petit peu passe droit quand même, malgré tout. Il est pas dans les 8 premiers, mais il a gagné ce tournoi de Wimbledon. Et puis les vainqueurs de Grand Chelem, eux, sont qualifiés, hein, pour les Masters. Et on aura Taylor Fritz qui sera présent, puisqu'il y aura Carlos Alcaraz. Il est blessé, donc c'est Taylor Fritz qui va prendre la place de Carlos Alcaraz, donc blessé, et donc on retrouvera donc ces huit là pour Et puis Zverev aussi qui est blessé, hein, donc il sera pas présent non plus, hein, évidemment. Donc pas de Zverev, et donc on retrouvera, bah, je le disais, du coup, donc Nadal, Tsitsipas, Rude, Zverev, non, donc Medvedev, Rublev, Jaliasim, Taylor Fritz, et du coup Djokovic aussi qualifié, qui fait partie de, en fait, des 8 meilleurs si on retranche Alcaraz et Zverev, même si il n'était pas dans les 8, là il fait partie quand même de ces 8 là. Donc finalement, voilà, c'est assez logique ce vert qu'on va retrouver donc dans cette dernière épreuve de la saison. Et puis ensuite il y aura, après cela, il y aura enfin la dernière épreuve de la saison, qui aura lieu avec la Coupe Davis. Donc dernière étape donc de cette saison, où du coup on sait déjà Alcaraz sera absent côté Espagne pour cette dernière épreuve sur ces finales de Coupe Davis. Malheureusement, il sera pas de la partie, hein, le jeune espagnol blessé, qui va perdre peut-être aussi gros, hein, au classement, qui pourrait perdre sa place numéro 1 mondial, hein, voilà, qui on le verra, hein, qui si jamais Nadal s'impose dans ce Masters, ou si les finalistes qui gagnent ces trois matchs de poule, eh bien ce sera lui le numéro 1 mondial. Et puis s'il s'y passe même chose, s'il arrive à s'imposer et gagner ces trois matchs de poule, il sera numéro 1. Donc il y a encore des possibilités pour ces deux-là. Et puis tiens, la Coupe Davis justement, donc il y aura lieu la finale, qui aura lieu donc courant novembre. Intégrera le calendrier ATP, hein, à partir de 2023, c'est officiel, hein, voilà, avec un accord qui a été signé lundi entre l'ATP et la Fédération internationale de tennis, et aussi bien sûr les promoteurs de la compétition. Donc un accord tripartite, qui permet donc à la Coupe Davis d'intégrer bien sûr la saison, c'est une bonne chose. Donc finale et match de qualification feront partie du calendrier. Donc la première match de qualification en début d'année. Ensuite il y aura les premiers matchs, ensuite les qualifs, la suite des qualifs au milieu de saison, et ensuite bien sûr la finale qui auront lieu en fin de saison, comme d'habitude. Bien sûr, voilà. Donc en tous les cas, la Coupe Davis, celle qui aura lieu, donc avec les quarts de finale, d'abord donc Italie, États-Unis, Allemagne, Canada, Australie, Pays-Bas et Espagne, Croatie, donc seront les quatre rencontres, les quatre quarts de finale du 22 au 27 novembre. Voilà, pour le programme donc à Malaga, c'est cette phase finale. Voilà pour le tennis masculin, mais bien sûr il y a aussi le tennis féminin. Et tennis féminin, c'est le Masters, tour qui a lieu un petit peu plus tôt. Le Masters donc, qu'a lieu aux États-Unis, hein, cette année, et on retrouve une française cette année, cette saison, c'est Caroline Garcia, qui a réalisé une fin de saison énorme, et elle continue pour bien finir, on l'espère, qualifiée pour la finale, puisqu'elle a battu dans la demi-finale Sakkari, la grecque, 6-3, 6-2 hier. Belle sensation. Elle affrontera Sabalenka en finale, la Biélorusse, puisque Sabalenka a fait l'exploit de battre Iga Świątek, la Polonaise, en trois manches, 6-2, 2-6, 6-1. C'est une belle sensation là aussi, puisque Garcia préférait bien sûr éviter la Polonaise, celle qui l'avait battue en phase de poule, hein, ce qui est d'ailleurs sa seule défaite, hein, en deux manches, 6-3, 6-2. Sinon, elle a remporté ses deux autres matchs, hein, la Française, avec une victoire inaugurale face à Goff, 6-4, 6-3, puis à la fin sa qualification s'est jouée face à Kazatina, victoire pour la Française, 4-6, 6-1, 7-6, au tie-break jusqu'au bout, et ça a permis de se qualifier, et maintenant elle est en finale donc face à Sabalenka. La rencontre ce sera cette nuit, hein. Faudra être soit se lever très tôt, soit se coucher très tard, ce sera 3h, hein, cette finale du Masters, et pourquoi pas une victoire française, voilà, donc ce serait énorme, puisque c'est pas arrivé depuis très longtemps, une victoire française, hein, dans un Masters. Le dernier remonte à, je crois, c'était à Mauresmo, peut-être, oui, je crois, à Amélie Mauresmo, qui devait être la dernière, oui, depuis 2006, c'est ça, voilà, 2006, c'était la dernière finale pour une Française. C'était donc Amélie Mauresmo. Donc, pourquoi pas lui succéder. Et donc, Caroline Garcia qui, avec cette finale, on va retrouver le top 5 hein, dans le prochain classement lundi prochain. Et elle sera même quatrième si elle remporte la finale. Voilà, donc elle pourrait encore un peu plus s'approcher du podium. Voilà, donc on verra. En tous les cas, c'est une belle sensation pour elle. Et on espère pouvoir avoir une première victoire française dans ce Masters. Donc voilà, Mauresmo, c'est ça, qui s'est imposé face à Marie Pierce en finale en 2006. Bah, elle pourrait succéder à Mauresmo, pourquoi pas, cette nuit. À suivre. À 3h. Un petit point direct. Alors qu'on referme la page tennis, hein, ça y est, on va attaquer le foot dans un instant, dans cette dernière demi-heure. Mais le tennis, donc, les directs, c'est bien sûr l'équipe de France. Vous voyez, c'est fini. Donc, victoire 35 à 21. Voilà, c'est encore bien fini. Ça fait plus 14 qui déroulent. Les Françaises, elles déroulent tout simplement. Elles sont, bien sûr, co-leaders du groupe aux côtés de des Pays-Bas qui se sont aussi imposés tranquillement un peu plus tôt, 30 à 15 à Macédoine du Nord. Donc la finale du groupe, c'est mercredi à 20h30 pour la première place. La qualification est acquise hein, puisque les deux sont qualifiés, Pays-Bas et France. Il y aura un troisième, peut-être Roumanie ou Macédoine du Nord. C'est l'équipe qui gagnera la confrontation. Et puis pour la France, évidemment, ce sera important de s'imposer pour amener 2 points de plus sur le deuxième tour de cet Euro. Voilà, donc mercredi, rendez-vous à 20h30. Un petit mot des autres groupes. Norvège, pardon, en tête dans le groupe A. Et puis Croatie-Hongrie pour l'instant avec 2 points. La Suède, c'est la même configuration dans le groupe B. La Suède en tête. Et puis Slovénie-Danemark avec 2 points. Et enfin, le dernier groupe, Monténégro en tête, Allemagne deuxième, et puis Pologne et Espagne 0 points. Il y en a un qui passera à la trappe. Et alors d'ailleurs il se jouait tout à l'heure, et on peut peut-être regarder un petit peu où, parce que c'est pas terminé a priori. Espagne-Pologne, si, c'est fini, sensation, puisque la Pologne s'est imposée pardon face à l'Espagne, et ça c'est une belle sensation. Puisque la Pologne prend la troisième place. Enfin oui, la deuxième place à égalité avec l'Allemagne. Mais l'Espagne est dernière avec 0 points. Il y a encore une possibilité pour l'Espagne de se qualifier. Pour ça, il faut absolument gagner, battre l'Allemagne pour le faire. Donc peut-être que l'Espagne ne sera pas du rendez-vous de ce deuxième tour. Ça pourrait déjà être une petite sensation. On rappelle que les Bleus croisent avec ce groupe-là, avec le groupe D, donc ils pourraient retrouver, a priori le Monténégro sera du voyage, hein, parce qu'il y a déjà 4 points. L'Allemagne, peut-être, a priori, peut-être la Pologne. Voilà, en tout cas, c'est déjà une petite information à prendre en compte. Les autres directs, le Metz Saint-Etienne, 3-1 en Ligue 2. Ça enchaîne pour Metz à l'heure de jeu. Il y a eu des buts aussi en Espagne avant cette pause. Encore 2 nouveaux buts. D'abord, le Real qui avait pris l'avantage avec Militao, 41e. Et puis dans la foulée, 44e. Égalisation du Rayo Vallecano, de partout. Et ça vient de reprendre à l'instant. En tout cas, ça enchaîne bien pour le Rayo Vallecano qui a réussi à revenir dans cette rencontre de partout, donc entre le Rayo Vallecano et le Real. Et puis en national, le Red Star qui mène à la pause face à Dunkerque 2-1. Voilà, du côté du national. Le foot, ben justement, c'est maintenant dans cette dernière demi-heure avec, pour commencer, un petit point. Alors on va remonter tranquillement avec le début de semaine, mardi, mercredi, la Ligue des Champions d'abord, bien sûr. Avec d'abord, pour revenir sur, bien sûr, nos deux clubs français, d'abord Marseille. Terrible désillusion pour Marseille, qui aurait pu se qualifier, qui aurait pu au moins se qualifier aussi pour la Ligue Europa, mais finalement qui n'y sera dans aucune des deux compétitions. Battu 2-1 par Tottenham. C'est pourtant Marseille qui avait ouvert le score avant la pause, et rejoint assez vite en deuxième période par Tottenham et Clément Lenglet. Et puis en toute fin de match, à ce moment-là, avec un partout, Marseille était en Ligue Europa. Et puis, il a fallu un but dans les toutes dernières secondes. Et Tottenham, donc, élimine Marseille de toute compétition européenne et qui termine donc dernière, une nouvelle fois, de cette Ligue des Champions. Terrible désillusion pour Marseille, qui a tout perdu en l'espace d'une mi-temps. Pour Paris, là aussi une petite désillusion, mais il y a quand même une qualification pour les huitièmes de finale. Mais une deuxième place seulement, la faute à Benfica, ce qui s'est imposé du côté de l'Haïfa, 6 buts à 1, avec 2 buts dans les 5 dernières minutes, qui permet à Benfica de prendre la tête. Alors, dans un scénario assez dingue, puisque les deux clubs ont quitté amené 14 points, mais avec aussi la même différence de but, plus 9, et le même bilan, 16 buts marqués et 7 buts encaissés. La différence, elle s'est fait où? Elle s'est faite au nombre de buts marqués à l'extérieur. Et avec ce 6-1, bien sûr, le Benfica Lisbonne fait mieux que Paris et s'impose cette différence de buts à l'extérieur, voilà, qui prend la première place. On verra ô combien importante, puisque au niveau du tirage, ça a été très lourd pour Paris. Et la Juve qui termine troisième finalement et qui ira en Ligue Europa. Un autre scénario aussi, un peu, on en parlera après en Ligue Europa, inhabituel au classement, mais sinon tout le monde s'est qualifié dans les cadors. Naples, Liverpool qui s'est qualifié bien sûr assez logiquement, même si Liverpool termine seulement deuxième, hein, la différence de but. Porto, Bruges, par contre des surprises, Leverkusen éliminé, Atlético Madrid éliminé. Là aussi, ça s'est joué à peu de choses. Hein. Il fallait au moins un nul. Et bien, Atlético n'a pas réussi. C'est incliné même face à Porto. Et voilà, c'est fini pour l'Atlético qui est éliminé aussi de toute compétition. Là aussi, c'est une surprise dans cette Ligue des Champions. Tottenham, Francfort, on le disait, c'était le groupe de Marseille. Chelsea, Milan, s'est qualifié logiquement aussi. Le Real et Leipzig, là aussi, assez logiquement. City et Dortmund, c'est aussi des qualifications logiques dans ces groupes. Le tirage, c'était aujourd'hui, bien sûr, avec du très lourd du coup pour Paris, avec cette deuxième place. Ce sera le Bayern Munich pour le PSG. Et le match aller, ce sera le 14 février au Parc des Princes. Le retour, le 7 mars à l'Allianz Arena. Voilà, du très lourd donc pour Paris. Qui pouvait avoir aussi City ou le Real, mais ce sera finalement le Bayern pour le PSG. Les autres huitièmes, donc City hérite de Leipzig. Benfica, donc, qui termine leader devant Paris, hérite du club Bruges, qui était largement à la portée de Paris, mais il fallait pour ça terminer premier, hein, c'est pas tout. Liverpool, Real Madrid, c'est un choc. La dernière finale de cette Ligue des Champions, dès les huitièmes. Eh oui, Liverpool avait fini deuxième. Le Milan AC affrontera Tottenham. Francfort face à Naples. Dortmund face à Chelsea et enfin l'Inter face à Porto. Match aller donc, je le disais, 14 février, match retour. Alors sur deux jours, hein, pour l'instant c'est pas encore. On n'a pas les dates arrêtées. Mais voilà, les matchs aller 14 et 15. Match retour, donc 14 et 15 février. Et match retour, ce sera 7 et 8 mars. Voilà, toujours sur deux jours, là on n'a pas encore les calendriers précis, mais voilà, 14-15. Il y aura encore de la Saint-Valentin dans l'air comme presque chaque saison, très régulièrement. Il y aura encore des matchs sur cette date-là. Voilà pour cette Ligue des Champions donc du très lourd pour Paris. Donc on le verra maintenant à la reprise en février. On va poursuivre avec la Ligue Europa. Là, on pouvait avoir 3 qualifiés. Eh bien, les trois se sont qualifiés. Avec d'abord Rennes qualifié avec une deuxième place. Il fallait pour ça, pour qualifier être premier, il fallait au moins gagner. Un partout finalement. Bon, pas de regret finalement, puisque Fenerbahçe s'est imposé aussi 2-0. Et Fenerbahçe termine leader. Rennes donc deuxième. Nantes qualifié aussi après une victoire importante à l'Olympiakos. Ça s'est bien déroulé puisque dans l'autre match, Karabag et Fribourg ont fait match nul. Voilà. Avec une victoire de Karabag, et bien Karabag était deuxième. Mais finalement, Fribourg a tenu le match nul. Important. Ça fait que Nantes finit deuxième derrière Fribourg. Et puis Monaco aussi qualifié avec une deuxième place. Derrière Ferencváros. Monaco, victoire face à Belgrade 4-1. Voilà, de toute façon, Monaco ne pouvait plus terminer premier. Mais en tout cas, une qualification importante. Donc, non pas pour les 8e de finale, mais pour les 16e de finale. Voilà, pour ces barrages. Et là aussi, pour les clubs français, il y a des belles équipes. Pour Nantes, ce sera la Juve. Voilà, du lourd. Mais belle affiche. Rennes recevra. Non, on se déplacera d'abord à Donetsk. Et puis Monaco recevra au retour le Bayer Leverkusen. Voilà les trois affiches qui attendent nos clubs français. Voilà donc pour ces 16e de finale, alors qui n'en sont pas parce qu'il y a que 8 matchs. En tous les cas, les barrages hein, de cette phase de groupe. Et puis les autres sont qualifiés pour les 8e, hein, bien sûr, les clubs qui ont terminé première de leur groupe, donc premier de Ligue Europa. C'est le cas notamment pour Nice en Conference League, qui a terminé premier, voilà, de cette phase qui permet donc d'attendre sereinement les 8e de finale. Nice qui donc c'est pour son match, a fait maintenant face à Cologne 2-2, mais ça a suffi puisque Belgrade n'a pas gagné. Donc Nice a resté devant. Voilà, il aurait pu avoir une victoire de Belgrade et finalement basculer Nice en deuxième place, mais Nice reste devant à la différence 8 particulière hein, qui ça permet d'être premier et d'attendre sereinement les 8e de finale. Voilà, il y aura un petit tour pour les autres, un petit tour de plus pour aller chercher les 8e de finale, mais en tout cas voilà, les clubs français connaissent leur avenir pour donc la suite au mois de février prochain. D'ailleurs les barrages, ce sera aussi hein, 16 février, enfin dans la même semaine que la Ligue des Champions, mais le retour aura lieu hein, la même semaine, enfin du moins sur le même créneau, puisque ce sera la semaine suivante ensuite le match retour dès le 23, et ensuite on attaquera les 8e 15 jours après. Voilà, donc ça va s'enchaîner pour les barrages de ces deux compétitions. Voilà pour l'avenir de nos clubs en Coupe d'Europe. Finalement, Marseille seulement ne sera pas au rendez-vous, malheureusement. On revient sur nos championnats avec nos petits tours d'Europe habituels. Avant cela, oui, on fera un petit tour sur la Coupe de France, puisqu'on connaît le 8e tour hein, de la Coupe de France. Ça y est, 8e tour, dernier tour avant l'entrée en Ligue 1. Voilà, ça s'approche, donc 8e tour, on en parlera tout à l'heure. Avant cela, un petit tour par nos clubs. Ah oui, d'abord, on va commencer avec l'Allemagne, comme d'habitude. L'Allemagne avec la 13e journée, notamment la petite victoire du Bayern à Berlin. C'était important pour le Bayern, on en parlera, avec un doublé pour Choupo-Moting notamment. Puisque le Bayern, grâce à cette victoire, prend la tête devant, on verra, devant Fribourg. Mais donc, le Bayern est leader. Dortmund 3-0 victoire face à Bochum. Ou encore victoire de Leverkusen 5-0 face à Berlin. Qui du coup perd la tête avec cette défaite. Le Bayern passe leader avec 28 points. Fribourg deuxième 27 points. Et Berlin perd la place de leader avec 26 points. Dortmund revient avec 25 points. Tout est serré, ça y est. En haut, Francfort 23, Leipzig 22. En bas, pour l'instant, on trouve Bochum et Schalke 04, dernier. Schalke 04, un club qui était en Ligue des Champions encore peu de temps et qui seulement a 3 victoires et 9 défaites déjà, et qui a seulement 6 points. C'est une dégringolade pour Schalke 04 dans cette saison de Bundesliga. Voilà, un club qui a fait des gros résultats en Coupe d'Europe, et bien là, qui est très très loin. Malheureusement dans ce championnat. On poursuit après, bien sûr, l'Allemagne, c'est la place à l'Italie. L'Italie avec là aussi une nouvelle journée à côté de la Serie A. On jouait la 13e journée. Victoire de Naples 2-1 à Bergame. Même score pour le Milan AC qui a battu la Spezia. Et puis hier, les autres. Grosse rencontre qui avait lieu avec notamment la victoire de la Lazio dans le derby romain 1-0 à la Roma. C'est Anderson qui donne la victoire dans ce derby. On a enfin la Juve qui a battu l'Inter Milan 2-0. Voilà aussi le gros match de d'hier. Rabiot, qui est l'un des buteurs pour la Juve, qui s'impose donc 2-0. Ça permet donc à Naples de rester confortablement leader, 35 points. Le Milan AC deuxième, 29 points. La Lazio est troisième, 27 points, avec Bergame également 27 points. Et la Juve qui revient tout doucement, avec 25 points. Voilà, qui vient d'enchaîner 4 victoires consécutives. Qui d'ailleurs devance la Roma et l'Inter, hein, qui sont juste derrière. Et puis, beaucoup plus bas, bien sûr, les relégables. Cremonese, Gênes et Vérone sont les relégables de cette Serie A. Pour cette avant-dernière journée avant la trêve. En Espagne maintenant, alors que ça joue en direct, d'ailleurs je le rappelle, pour le Real, toujours tenu en échec à l'extérieur à Rayo Vallecano de partout. Il reste encore du temps pour essayer de repasser devant pour l'instant. C'est bien Rayo qui fait une belle opération. Avec l'Espagne la 13e journée, bien sûr, on retiendra la victoire du Barça face à Almeria 2-0. Avec Dembélé buteur et De Jong, il y a quelques jours de la liste de Didier Deschamps, c'était important pour lui de marquer également. Et puis donc le Barça-Real en direct, et puis l'Atlético Madrid, pardon, tenu en échec par l'Espagnol Barcelone, une nouvelle fois, qui ne va pas mieux après ce nouveau match nul. Le classement, donc le Barça provisoirement leader avec 34 points, en attendant le match de ce soir. Pour le moment, il est toujours leader, si on en reste là. L'Atlético, donc 34 points. Le Real, donc pour l'instant, 32 points avec ce match en cours. L'Atlético qui est déjà très loin, 24 points. Betis s'est mis 24 points aussi. Il y a déjà un gros delta entre les deux premiers et le reste du classement. En bas, si c'est serré pour les places à 17 à 19, puisque on a Séville, Celta Vigo et Cadiz avec 11 points, c'est loin d'être serré pour Elche. 4 points seulement, 0 victoire. 4 nuls et 9 défaites. C'est compliqué cette saison pour Elche. Donc, pour l'instant, pas de victoire au compteur, qui est déjà très très décroché au classement. Et bien, on va terminer évidemment avec l'Angleterre. L'Angleterre est bien sûr la première ligue, avec la 15e journée qui s'ouvrait par la victoire de Manchester City en début d'après-midi. Samedi, victoire 2-1. Face à Fulham, ça a été long à se mettre en place. Ouverture du score à la 16e minute pour Alvarez. Égalisation sur penalty de Fulham, avec là aussi un carton rouge pour Cancelo. Et puis, c'est qui va sauver encore une fois City? C'est Haaland qui va marquer donc le but de la victoire sur penalty à la 95e minute de jeu. Important pour pour le classement, bien sûr, et c'est Haaland qui du coup revient et qui marque encore une fois, qui était blessé, qui revient et qui s'impose et qui donnait la victoire à City. Hier, courte victoire mais qui était importante pour Arsenal, qui a été s'imposé à Chelsea 1-0, qui garde le rythme les Gunners. United, nouvelle fois battu à Aston Villa 3-1, ça va pas mieux pour United finalement. Et puis Liverpool s'est imposé enfin hier face à Tottenham 2-1 avec un doublé pour Mohamed Salah. Harry Kane, ça n'a pas suffi qu'à réduire l'écart, mais c'est bien Liverpool qui s'impose dans cette rencontre et qui prend, on va le voir, au classement. Ils sont où Liverpool? Ils sont là, 8e. Mais sinon, le leader, c'est toujours Arsenal avec 34 points. City suit le rythme, 32 points. Petit écart avec Newcastle, 27 points. Tottenham, 26 points. United s'accroche à 23 points. Brighton, Chelsea, 21 points. Puis Liverpool, 19 points. Ils sont déjà bien décrochés. Il y a presque moitié moins de points que Arsenal, qui est leader. Hein, ce qui est assez impressionnant. Après seulement 14 journées. Hein. Et puis en bas, donc pour l'instant, Southampton, Wolverhampton ou enfin Nottingham Forest, qui sont les relégables. Cette semaine, le troisième tour de la Coupe de la Ligue se jouera en Angleterre. Ce seront les 16e de finale. Le troisième tour en tout cas, ce qui correspond plus ou moins au 16e de finale. Avec notamment quasiment tout le monde sur les pelouses, si ce n'est, je crois, les Européens. Si tout le monde est là, City recevra Chelsea. Il y a déjà un choc dès ce troisième tour. Liverpool face à Derby County de troisième div, United face à Aston Villa, notamment Tottenham à Nottingham Forest. Et puis mardi sera plutôt dédié au club des divisions inférieures, mais tous les autres joueront mercredi hein, pour les gros matchs. Et puis United Aston Villa, c'est même jeudi. Donc, troisième tour de cette Coupe de la Ligue. Et puis donc championnat, bien sûr. Nouvelle journée avant la trêve. Ce sera samedi prochain. Voilà. Qui se verra la dernière rencontre avant cette trêve. Voilà pour l'Angleterre. Revenons en France pour nos trois championnats. Bien sûr, le national. Du coup, on l'a vécu tout à l'heure à la fin de rencontre pour le SO. Une nouvelle fois, incapable de marquer et de s'imposer malheureusement face au Paris Atlético, 0-0, ça n'avance pas beaucoup au classement, ce qui fait que l'USO reste dans le ventre-boue, hein, tout simplement, avec une 12e place, 13 points seulement au compteur, un petit point pour Orléans là qui a été. Alors je crois que c'est pas actualisé, peut-être que Orléans doit plutôt être à 14 points. Ça n'a pas été actualisé. Donc qui du coup prend la 10e place. C'est guère mieux, mais qui est à 4 points seulement du podium, vous allez me dire c'est pas très loin, mais ça n'avance pas pour Orléans, qui a 8 matchs nuls, hein, c'est le record. Cette saison sur 11 matchs, hein, c'est juste énorme. Et encore, on rappelle qu'il y a eu une victoire sur tapis vert. Hein, c'est peu, trop peu pour espérer mieux. 8. Enfin, sportivement, il y a eu 9 matchs nuls sur 11. Mais on rappelle qu'il y a eu une victoire sur tapis vert. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a eu finalement en vrai 9 matchs nuls. C'est vraiment énorme pour cette saison. Rendez-vous compte seulement. 2 victoires de plus, ça a permis d'être déjà sur le podium. Ça se joue à peu de choses cette saison. Et il va falloir commencer vraiment à gagner sérieusement pour remonter au classement. Saint-Brieuc est dernier avec 5 points, mais sinon derrière c'est serré. Hein. Donc Paris, Atlético 11 points, Borgo 10 points, Villefranche 10 points, ça joue aussi en ce moment. En tout cas, ça n'avance pas beaucoup pour Orléans qui va jouer un dernier match là aussi. Avant une petite pause, alors il n'y aura pas de trêve vraiment nationale puisqu'on va continuer de jouer pendant cette pause, pendant cette Coupe du Monde. Ce sera assez particulier, mais il y aura donc déjà un match vendredi. Orléans recevra Avranches vendredi à 19h30. Ce sera la 12e journée. Donc face à Avranches qui est 10e, c'est vraiment qui est 11e, c'est juste vraiment à égalité de points avec Orléans. Ce sera la 12e journée. Et ensuite, il y aura un autre match, donc qui sera 15 jours après. Il y aura une petite pause entre les deux. Mais on jouera le 25 novembre. On jouera le 2 décembre aussi. Voilà, on va finalement jouer tous les week-ends pendant cette Coupe du Monde. Ce sera un petit peu particulier cette période-là. Mais en tout cas, il y aura des matchs pour l'USO dans cette période. Revenons ensuite en Ligue 2 avec cette journée qui était la 14e journée. Ça se joue en direct, hein. Metz mène toujours 3-1. Il reste 10 minutes face à Saint-Etienne. Ça se passe très bien pour l'instant, pour Metz. Pour l'instant, au classement, Le Havre a pris les commandes du championnat après sa victoire à Quevilly-Rouen. C'est Bordeaux qui fait la mauvaise opération en s'inclinant à Nîmes 1-0, qui perd la tête du classement. Grenoble reste aussi installé avec la victoire à Rodez 1-0. Sochaux qui, de son côté, était en déplacement à Annecy, défaite, qui perd aussi le podium, qui n'est plus sur le podium. Pour l'instant, Le Havre 29, Le Havre Bordeaux 27, Grenoble 25, Sochaux 24. Voilà pour l'instant les 4 premiers du classement. Des équipes comme Dijon seulement 16e, Nîmes 17e, Saint-Etienne pour l'instant est 19e, à égalité avec New York est dernier. C'est toujours cauchemardesque pour Saint-Etienne cette saison, seulement 3 victoires pour l'instant sur ses 13 ses 14 premiers matchs. Si on en reste là, ça ferait vraiment pas beaucoup pour Saint-Etienne, qui vraiment vit une saison très très bizarre. Et puis une dernière rencontre, bien sûr, samedi, dernière rencontre à 19h, tous les matchs pour cette dernière journée avant cette trêve internationale. Avant de parler de Ligue 2, un mot de la Coupe de France, puisque on va jouer on a joué le 7e tour, bien sûr, la semaine dernière. Eh bien, voilà, on connaît les qualifiés du 8e tour, on connaît le tirage du 8e tour. Il y aura ces dernières rencontres. Donc, la semaine prochaine, vendredi 18 et samedi 19, ce sera le dernier tour, et aussi le dimanche 20 d'ailleurs. Vraiment le dernier tour avant d'aller chercher les clubs de Ligue 1 à la reprise au mois de janvier. Voilà, donc on connaît tous les qualifiés. Je crois qu'il y a un seul club, si je dis pas de bêtises, de district, voilà, qui s'est qualifié. C'est Marcoussis, voilà, qui s'est qualifié pour les 8e tour. C'est le dernier club de district qui sera le petit poussé, voilà, qui jouera face à Vierzon, club de National 2. Voilà, gros défi. Mais en tout cas, c'est un super parcours pour eux d'être arrivés jusque ce 8e tour, hein, qui, on le sait, depuis le 7e tour, déjà, on a des dotations en argent, donc c'est important pour ces petits clubs-là. Et là, ça va représenter, je crois, 15 000 euros, hein, ce 2e tour. Et 7 500 le tour des précédents, donc ça fait déjà un sacré budget pour eux. Le dernier club du Loiret, c'est Saint-Primé-Saint-Hilaire, qui va se déplacer à Bourges, donc deux clubs de National 2. Voilà, il y a une grosse chance de passer pour Saint-Privé, qui est notre dernier représentant du Loiret, voilà, qui sera présent pour cette sur la Châteauroux. Ira dans National 3, au Cap Ferret notamment. Voilà, les quelques rencontres que l'on peut vous donner. Et puis voilà, les clubs de National de Ligue 2, pardon, beaucoup à l'extérieur, hein, dans des clubs de région, notamment pour la plupart en déplacement. Mais voilà, en tout cas, à noter, c'est Saint-Privé qui jouera à Bourges pour voilà, ce sera presque un derby, ils seront vraiment tout proches. Ce sera donc le 20 novembre prochain. Voilà pour le petit point Coupe de France. Et en terminant Ligue 1 avec la journée, la 14e journée. Ça a été vendredi d'abord. Ça a démarré avec 3 Auxerre, match nul, avec Gaëtan Perrin qui va égaliser pour Auxerre, important pour Auxerre, ce point du match nul à 3, donc 1 partout. On avait ensuite samedi le plus gros score du week-end, 4-2 entre Ajaccio et Strasbourg. Il y a eu du but, du spectacle, victoire des Corses à domicile. C'était le seul gros score, parce qu'en plus il y a eu que des 2-1, des 1 partout, des 2-0, des 1-0. Ouais, c'est vraiment des petits scores. C'est le cas pour Angers, Lens, mais Lens qui enchaîne, victoire 2-1 à Angers, qui sécurise sa deuxième place avec cette victoire. Même chose pour Paris, qui a été imposé à Lorient 2-1, qui conserve sa première place au moins jusqu'à la reprise. Voilà, c'était l'enjeu, avec Pereira qui va donner la victoire en deuxième période pour les Parisiens. Monaco qui enchaîne avec une victoire à Toulouse 2-0. Voilà, ça permet à Monaco de rester au pied du podium. Clermont-Montpellier, il n'y a pas eu de victoire, pas de vainqueur, 1-1. Voilà, entre ces deux rencontres, de ces deux formations, pardon. Nice qui s'impose à Brest, face à Brest 1-0. Deuxième victoire consécutive pour Nice, qui va mieux. C'est le même score pour Reims, qui s'est imposé face à Nantes. Peut-être un contre-coup pour Nantes, hein, de la Ligue Europa, mais ça fait une défaite 1-0. Avec Palois exclu à l'heure de jeu. Pas de vainqueur non plus entre Lille et Rennes. Ça fait un 2 points de perdu pour Rennes. À Lille. Voilà, qui, même pour Lille, ça fait aussi un petit coup d'arrêt. C'était deux clubs qui tournaient bien, Lille et Rennes. Lille, voilà, qui a perdu le fil, hein, qui était sur une belle série, là, qui vient de finir deux matchs en victoire. Et puis enfin, l'Olympico. C'est Marseille qui s'en sort. C'est important pour eux, après cette désillusion en Ligue des Champions, de s'imposer. Avec là aussi une série qui était compliquée en Ligue 1, hein, puisqu'il n'y avait pas eu de victoire sur les 4 derniers matchs, hein. Donc là, il était important de s'imposer. Victoire 1-0, but de Gigot avant la pause, qui permet à Marseille, on le verra, de revenir au classement. Le classement, justement, c'est le Paris Saint-Germain qui est leader avec 38 points toujours. Lens sécurise bien cette deuxième place avec 33 points. Rennes est de troisième, 28 points. Marseille, Monaco avec 27 points. Se tiennent vraiment à la différence de but. Avec Lorient aussi 27 points. a un beau trio là, 27 points. Ensuite Lille, il y a un petit écart avec Lille 7e, 23 points, et puis Lyon 8e, 20 points. Voilà, vraiment on a les 5-6 premiers qui se tiennent bien, et puis sinon après il y a un petit dégringolade. Nice 9e, 19 points. Auxerre est 15e, Nantes 16e, Strasbourg, Brest 10 points, et puis c'est Angers qui ferme la marche avec 8 points, qui vient d'enchaîner 5 défaites consécutives. C'est compliqué aussi pour Angers cette saison. Et puis il restera une dernière journée avant la trêve là aussi. D'abord vendredi c'est Lyon-Nice, important pour les deux clubs là, hein. Nice qui vient d'enchaîner 2 victoires consécutives. Lyon qui va à peine mieux, hein. Il y a eu 2 victoires consécutives, mais là ça vient de rechuter. En tout cas, c'est un match important avant la trêve pour les deux clubs. Ce sera vendredi pour démarrer le week-end. Samedi, on aura Lens-Clermont. Là aussi, pour Lens, l'important de rester... il y aura forcément une deuxième place à la reprise, mais de bien essayer de garder cette deuxième place et ses points d'avance face à une équipe de Clermont qui est dans le ventre mou pour le moment, qui joue pas grand-chose en haut et qui est assez loin de la zone rouge. Rennes-Toulouse ensuite, ce sera samedi soir. Là aussi, l'important pour Rennes de rester troisième, de rester sur le podium face à une équipe de Toulouse qui cherchera à prendre des points aussi. Puis dimanche, donc Paris-Auxerre, voilà, même débat pour les deux clubs. Dimanche, toujours à 15h, Nantes-Ajaccio, les matchs de mal classés. On aura Lille-Angers pour Lille aussi, c'est important. D'essayer de pas trop partir trop loin de la zone européenne face à Angers qui est dernière toujours. Montpellier-Reims, c'est un petit peu le même combat pour ces deux clubs. Brest 3 sera aussi à 15h. Là ce sera là aussi le même combat pour ces deux équipes qui sont mal classées. Strasbourg-Lorient. Strasbourg aussi qui est mal classé face à Lorient, il cherchera à tout prix à rester au contact de Marseille et de Monaco, hein. Et puis justement Monaco-Marseille qui s'affronteront dimanche soir, et malheureux vaincu, hein, qui prendra 3 points de retard sur l'équipe vainqueur et qui verra le podium s'échapper, s'éloigner peut-être avec peut-être une victoire rennaise, on le verra. En tout cas ce sera important cette dernière rencontre, ces derniers matchs avant la trêve, pour bien revenir fin décembre. Alors fin décembre, il y aura un Boxing Day, il y aura un match le mercredi 28 et un match le dimanche 1er. Voilà un petit peu à l'image de ce qui se fait en Angleterre. Et ce sera 28 et 1er janvier. 2 matchs pour la reprise du championnat. Voilà, et il y aura des belles rencontres, on le verra, pour ces deux affiches là. Voilà pour la Ligue 1, voilà pour ces infos. On le rappelle aussi que la liste de Deschamps c'est mercredi, hein. Mercredi 20h. On rappelle la bonne nouvelle, c'est le retour de Raphaël Varane, qui sera apte pour la Coupe du Monde. Il sera guéri pour le début de la compétition. Blessé à une cuisse le 22 octobre dernier, il a repris la course. Voilà, donc il sera annoncé présent pour, on l'espère, pour la liste. Retour à l'entraînement, notamment. Et puis tiens, il y a le Brésil aussi qui a annoncé la liste de 26 joueurs, hein, pour le Qatar. Neymar, Marquinhos, bien sûr, sont présents. Daniel Vess, Gabriel Jesus, qui a été préféré à Roberto Firmino, notamment. C'est une petite surprise. Alisson, Ederson, voilà les classiques, hein. Militao, Bremer, Danilo, voilà, j'allais peut-être oublier Guimarães, Casemiro bien sûr, Fabinho, Fred, Paqueta, Jesus, je te disais, Martellini, Neymar, Pedro, Rafinha, Rodrigo, Vinicius Junior. Il y a quand même une belle équipe, hein, du côté du Brésil, ça va être là aussi l'une des nations favorites, hein. Koundé aussi qui est blessé, hein, mais Xabi qui se veut rassurant, son coach, il sera peut-être là aussi apte pour être là, on le verra. En tout cas Varane, ça c'est une certitude, sera apte pour être là. Avant de se quitter, les directs, ça a bougé, hein. Remets Saint-Etienne, c'est quasiment fini 3-1, hein, ça devrait se terminer là-dessus. Il y a 5 minutes additionnelles, on a joué une, donc c'est bien parti. Le Real qui vient de reprendre un but sur penalty, 3-2 pour le Rayo Vallecano. C'est la sensation pour l'instant, avec une main de Carvajal qui prend un jaune sur ce coup-là et qui permet au Rayo de reprendre l'avantage 3-2. Ça fait beaucoup pour le Real. Il pourrait perdre le podium, la tête pendant ce soir, si ça en reste là. On a également Red Star dans quelques jours de deux. Voilà, pour finir ces deux directs là. Et puis pour terminer le programme de la semaine, on disait football, donc Ligue 1 et Ligue 2, les deux dernières journées, enfin la dernière journée avant la trêve, avant le mondial. Voilà, on aura donc du national aussi avec l'USO qui recevra pour cette journée du côté du stade de la Source. Voilà, pour il n'y aura pas de trêve pour eux, ce sera pas le dernier match de l'année. Donc ce sera ce vendredi. Le rugby avec pas de top 14, mais un autre match, test match pour l'équipe de France face à l'Afrique du Sud samedi à 21h. Gros match hein, face aux champions du monde pour les Bleus qui pourront enchaîner encore une victoire. Pour les filles, il y aura un bleu bronze à aller chercher face au Canada dans ce mondial pour bien finir la compétition. Ce sera très tôt, hein, ce sera samedi à 4h30. La finale, elle, à 7h30 entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Voilà, ce sera suivi sur TF1. Voilà pour le rugby. Du tennis, la finale des Masters féminins cette nuit. Là aussi, il faudra être lève très tôt ou couche tard. Ce sera à 3h du matin. Caroline Garcia joue cette finale du Masters face à Sabalenka, la Biélorusse, pour une première victoire française en Masters depuis Maurice Moi hein, en 2007. Voilà l'enjeu de cette nuit. Voilà, on aura également les Masters nouvelle génération cette semaine pour les tout jeunes du Janis. La semaine prochaine sera la place aux grands voilà, de la saison, des 8 meilleurs. Voilà le tennis. Ensuite, on aura du basket, bien sûr, avec cette semaine donc les deux matchs de qualification pour l'équipe de France, donc pour le mondial 2023. Voilà, beaucoup de jeunes, puisque la plupart des internationaux sont en Coupe d'Europe ou en NBA. Voilà, la plupart, puisqu'il n'y aura pas en tout cas de championnat de France. Mais les autres ne sont pas à présent, donc il y aura vraiment des très jeunes qui seront. Qui sont présents, la plupart qui n'ont pas de sélection, mais voilà, ce sera important de les lancer aussi dans le grand bain. Du handball, bien sûr, le mondial, l'euro, pardon, féminin se poursuit. Mercredi, troisième match de poule, troisième et dernier match de poule, les Bleus sont qualifiés, hein, mais pourraient terminer en tête du groupe. Voilà, ce sera mercredi face aux Pays-Bas. Et puis, ça enchaînera très vite avec les autres matchs, les matchs du deuxième tour qui vont se lancer vendredi et dimanche, puis on aura encore la semaine prochaine. Voilà, il y en aura la semaine prochaine encore pour essayer de finir presque à l'issue pour les demi-finales. On le verra. Sinon, ça jouera bien sûr pour les garçons du côté de la Star League, du côté de la Pro League pour Saran, pour Gien aussi en National 1, on le disait, hein, ça, il y aura des matchs bien sûr cette semaine donc pour la suite des saisons de handball. Et puis dernier rendez-vous rallye du Japon, et puis pour la Formule 1, l'avant-dernier Grand Prix de la saison, ce sera également ce dimanche avec Sao Paulo pour le programme, donc Brésil pour l'avant-dernier Grand Prix de la saison en MotoGP, en Formule 1, en MotoGP c'est fini déjà. Voilà le programme de ce qui vous attend toute la semaine. Donc belles choses encore à suivre. On se quitte avec c'est fini pour Metz 3-2 finalement. Saint-Étienne qui a réduit l'écart en toute fin de match 94, mais ça n'a pas suffi. C'est Metz qui s'impose. Le Real encore 10 minutes pour inverser la tendance. Voilà, puisqu'il est mené 3-2 face au Rayo Vallecano. Pour essayer de revenir, pourquoi pas arracher la victoire. Et puis le Red Star aussi qui a marqué nouveau 3-2 face à Dunkerque. Deux enjeux dans ces deux derniers matchs avant la fin des rencontres. Toute la nuit aussi, vous avez rendez-vous avec la saison de NBA qui se poursuit. On se quitte avec un dernier son, ultime son, et puis on va se quitter là-dessus si ça veut bien partir. Oui, c'est parti avec Jamiroquai. On écoute Little L. C'est parti pour ce dernier titre. Pas d'émission sur les 4 prochaines semaines. Grosse pause là, retour. Retour le 12 décembre. Voilà. On se retrouvera le 12 décembre en forme, je l'espère. D'ici là, bon courage à vous. Portez-vous bien. Et puis, bonne Coupe du Monde à vous tous. Hein. Allez les Bleus. On espère vous retrouver pour pour les demi-finales. Bonne semaine à vous, bonne nuit déjà, et puis à très très vite. Rendez-vous le 12 décembre pour la reprise. D'ici là, eh bien, allez les bleus, ciao ciao.